présente le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markelifé, Dansan, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique le soir et Grand Casino Brussels Village. Vous écoutez Vivacité les 8h30. Vivacité, le journal des sports. À mes côtés, Arnaud Montero. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et on va démarrer avec la France qui a lancé son grand bleu. L'Euro 2016 a débuté hier sur une victoire de l'équipe de France. 2-1. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais le match d'ouverture, c'est toujours compliqué. Il y avait la tension de l'enjeu. Oui, on va dire ça. 2-1, victoire in extremis donc de la France. Et les Bleus de Didier Deschamps l'ont bien senti hier soir. Un match d'ouverture, c'est toujours compliqué. Une victoire difficile donc pour sur des Roumains organisés et accrocheurs. Et à l'arrivée, mais finalement, c'est le grand soulagement pour les supporters. C'est fini, il n'y a plus de voix du tout. On a eu peur, hein. On a eu peur, on a flippé, non, super. Payet, on l'adore. Un bisou. Génial. Bah, les tripes, ils ont là, rien lâché. C'est l'idéal pour le moral. On s'est battu, on a gagné, on les a eus, quoi. Ça fait plaisir d'avoir une équipe de France comme ça. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ça sent le 98, ça sent le 2000, c'est bon. Ils ont eu peur, hein. Optimiste, hein. Oui, optimiste. 2-1, donc, début d'Olivier Giroud et de Dimitri Payet. On dit Payet, visiblement. Oui. Du stress et des paillettes. C'est ce que titre l'équipe ce matin. D'une frappe énorme, hein. Dimitri Payet à la toute dernière minute. Payet, l'homme du match, donc, également, auteur de l'assist pour Giroud. Bakary Sagna, le bac droit, nous explique tout ça. Peut-être qu'on s'est mis un petit peu trop de pression. C'était mon premier match, c'est jamais facile de rentrer dans un premier match comme ça, mais on l'a fait, donc on peut être satisfait. Il fallait qu'on garde la tête froide. C'est pas forcément évident, parce que ça fait deux ans qu'on est amené à jouer des matchs amicaux seulement. Et c'est le premier match officiel qu'on joue depuis pas mal de temps, donc c'était important de s'imposer, on l'a fait. Bakary Sagna au micro de notre envoyé spécial Ebi Brozakis avec ses trois premiers points. La France a déjà un pied au prochain tour. Reste le chantier du jeu. C'était pas terrible hier soir. Blaise Matuidi le sait. On peut tout améliorer, bien sûr. Déjà, je pense que mentalement, on va être mieux. Le premier match, il est passé. Il faut le balayer. Maintenant, il faut se servir de ça pour se libérer dans le jeu. On a fait de bonnes choses pendant cette préparation. Il faut se servir de ça. Il faut qu'on se mette tous au diapason pour faire encore de meilleurs matchs collectivement et dès le prochain match, engranger la qualification. Bon, pour améliorer tout ça, il y a un match mercredi pour la France. C'est à Marseille contre l'Albanie. L'Albanie qui entame son tournoi à 15h contre la Suisse aujourd'hui. À 18h, place à la poule B avec le duel Galles-Slovaquie et à 21h, Angleterre-Russie. C'est évidemment à suivre sur la RTBF. Mais bien sûr. Et pendant ce temps, les Diables Rouges préparent leur entrée. Ce sera lundi contre nos amis italiens. Mais oui, et Nicolas Lombards, lui, il a déjà fait ses valises. C'était le 24e Diable. Il a été un petit peu mis sur le côté, puisqu'il faut évidemment 23 joueurs pour la Belgique. Donc Nicolas Lombards, il a fait ses valises. Et ce François Mani, il a un petit peu inspiré Marc Wilmots. Il sent bien que le match d'ouverture et le premier match de l'Euro, c'est un match compliqué. Les Diables sont tous prévenus. Marc Wilmots le sait. Il faudra s'arracher 5 matchs, crois-moi. Le niveau du championnat d'Europe va être très élevé. Mais il n'y a plus de petites équipes pour moi. Ce sera des scores, il n'y aura pas des scores monstrueux. Parce que toutes les équipes sont bien organisées. Il y a peu d'équipes qui vont jeter et qui vont faire le jeu. Ce qui compte, c'est d'aller au bout et le plus loin possible. Oui, on le sait, hein. Nicolas Lombards qui est parti. On sent la concurrence faire rage au sein du noyau, au sein de l'équipe. On sent que toutes les places sont chères. Divo Corrigui le sait. Il doit absolument confirmer son excellent mondial brésilien. C'était la petite surprise de Marc Wilmots, Divo Corrigui qu'on a découvert au Brésil. Et il était un petit peu sorti de nulle part, il le sait. Je crois qu'on est toujours jeune, donc mais on a pris en expérience et pourquoi pas gagner. Faut aborder ce tournoi match par match. Nous on est tous des professionnels, donc on doit tout donner chaque jour à l'entraînement, pendant le match. Faut essayer de gagner tous les matchs. Quand tu fais ça, après la finale, c'est fort possible. Et alors le petit jeu des journalistes, c'est de savoir qui sera le Divo Corrigui cette année, qui sera un petit peu la surprise. Pourquoi pas Christian Cabasele, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un joueur de Genk. Il est un petit peu arrivé de nulle part et il a profité des blessures de Vincent Kompany par exemple. Et lui aussi, il rêve d'être la référence de la surprise, je vais y arriver, de cet Euro. Ouais. On l'écoute, Christian Cabasele. Moi, je prends ça comme le commencement, pas comme un aboutissement. J'ai la chance de pouvoir prouver pendant un mois, j'espère, à l'entraîneur que je peux faire partie de ce noyau pendant les prochaines qualifications. Donc voilà, j'ai une chance exceptionnelle de montrer directement à l'entraîneur qui pourra compter sur moi, si pas pendant le tournoi, bah alors dans les prochaines échéances qui vont arriver. Vous êtes plus focus Russie, vous, alors? Ouais, moi, je suis d'abord focus sur ce tournoi-ci. On sait jamais s'il y a des blessés ou encore en défense. Je dois être prêt au cas où l'entraîneur aura besoin de moi. Oui. Il faut toujours être prêt. Oui, il faut toujours être prêt. Et Focus Russie, c'est une allusion, évidemment, au Mondial 2018, le prochain Mondial. On espère que Christian Cabasele sera vraiment là à ce moment-là. Il y a déjà du placement de pion, quoi. Exactement. D'accord. Mais donc, on le sent un petit peu, Christian Cabasele, c'est un petit peu un espoir. Et je sais pas il est dans l'antichambre. Oui, exactement. Allez. Je ne sais pas s'il va jouer une minute dans cet Euro. Bah, ce serait déjà bien pour son compteur. Ce serait déjà pas mal, c'est ce qu'il disait. Bon, allez, tous ces débats, évidemment, ça ne perturbe pas le plan Médoc. Et rien à voir avec du doping dans le staff des Diables Rouges. Évidemment, hein. C'est plutôt une allusion au fait qu'ils s'entraînent à Bordeaux, les Diables Rouges. Ah, le Médoc. Oui, évidemment, voilà. C'est le hameau voisin de l'hôtel où logent les Diables. Thierry Luters est passé par le marché local où il a notamment croisé le maire. C'est bien évidemment un honneur hein, que notre commune soit ainsi retenue. Mais enfin, on n'est pas dupes. On sait d'abord que c'est l'établissement qui a été choisi. Mais cet établissement est au sein d'un environnement que l'on protège. Et je pense que la qualité de cet environnement et la qualité de vie dans notre commune a dû influencer le choix de la délégation belge. Vous connaissez des joueurs belges ? Oh, je connais pas. Je regarde, mais je connais pas trop, un peu. Vous pensez que vous allez les croiser ? Oh, je pense pas. Mais ils vont venir s'entraîner ici, non ? Je crois pas, ils sont royaux. Ah oui, c'est vrai, c'est royaux, oui. En plus, il y avait l'entraîneur de l'équipe de Belgique. Il était joueur au Girondins de Bordeaux. Et des joueurs, vous en connaissez ? Non, pas trop. Même pas Eden Hazard ? Ah si, ah ben bien sûr. Honnêtement, ça change pas grand-chose à mon quotidien. Non. Et au quotidien de la commune non plus ? Oh si, on en parle un peu, oui. Si, on en parle. Ça fait forcément une petite animation. Ouais, vous pensez que vous allez les voir un jour dans les rues du village ? Je pense pas, non. Déjà, le pire, il n'y a pas vraiment un bourg, donc il n'y a pas un lieu de vie. Et ça m'étonnerait qu'ils viennent spécialement devant la mairie, quoi. Voilà les Diables dans le Bordelais où ils vont effectuer leur entrée en lice face à l'Italie. Chez nous, Claude Puel et Anderlecht, finalement ce sera non. Ben oui, le Français hein, qui n'a pas l'accent du Sud, lui, puisque Claude Puel vient plutôt du Nord de la France. Mais il a joué à Monaco, il a peut-être pris l'accent à ce moment-là. Oui, mais non. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais non, il n'a pas d'accent. Il a refusé hier, alors que le Sporting avait monté son offre à 2 millions d'euros bruts par an. Une nouvelle claque, donc, pour les Mauves, après les refus d'Olsen, Prandelli, Pioli, Debourg ou encore Favre. Visiblement, personne ne veut entraîner Anderlecht la saison prochaine. Le nom qui circule maintenant, c'est celui d'un autre Français. Lui, il a l'accent du Sud. C'est Rémi Garde, ex-joueur d'Arsenal, ex-coach aussi d'Aston Villa et héritier de la méthode Claude Puel. Si le plan Rémi Garde foire aussi, Anderlecht pense à Peter Maas. Lui, il a plutôt l'accent flamand. Il n'a pas l'accent du Sud. Non, vraiment pas. Et il entraîne en fait cette année Genk. Lionel Messi a encore frappé. Mais oui, il a qualifié cette nuit l'Argentine pour les quarts de finale de la Copa América. Messi est monté au jeu et il a buté 3 fois en une demi-heure. Score final 5-0. Autre résultat de la nuit en basket, la victoire de Golden State 108-97 à Cleveland. Golden State n'est plus qu'à un succès du titre NBA. Réponse dans la nuit de lundi à mardi. Ok, sur gazon, la Belgique a calé au départ du Champions Trophy. Mais oui, c'est un peu une surprise. Hein. Défaite 0-2 face à la Corée. Corée qui est 9e nation mondiale. Normalement, les Red Lions n'auraient dû faire qu'une bouchée des Coréens. Et non, défaite donc 0-10 sur PC. Vous voyez ce que c'est un PC, Steve ? C'est un ordinateur. Non, c'est un PC, c'est un penalty corner. Ok, normalement, c'est une phase où ben, le joueur il est tout seul devant le cercle. Et normalement, il n'y a plus qu'à mettre la balle c'est dans ça, le but. C'est ça, la finition. Quoi. Oui, exactement. Mais là, 0-10, on sent que Tom Bone, qui est blessé, elle n'est pas là. Donc, les Red Lions qui vont devoir rectifier le tir face à l'Allemagne, c'est aujourd'hui. L'Allemagne qui est quand même une des grosses nations du hockey. Et puis, en sport moteur, Thierry Neuville est en tête du rallye de Sardaigne. Après la première journée, il a 11 secondes d'avance sur Latvala. Et puis, en cyclisme, Chris Froome a pris les commandes du Dauphiné libéré. Oui, il a gagné l'étape hier et piqué à Contador le maillot de leader. Froome a 7 secondes d'avance sur Richie Porte. Et puis en tennis, fin de parcours en quart de finale pour Elise Mertens. À Rosmalen, c'était une belle surprise. Belge à Rosmalen, mais elle a été battue 7-5-6-3 par la Française Mladenovic. Toujours en gazon, sur gazon, mais en Allemagne, Federer affronte Thiem aujourd'hui. Belle affiche. Exactement. Thiem, c'est un petit peu Futur numéro 1. Oui, je sais pas si c'est ça, mais ça va être difficile pour Roger Federer qui est plutôt dans une phase de reprise, on va dire. Ah, bah oui, voilà, c'est le retour aux affaires du maître du tennis. Oui. Bon, merci beaucoup, cher Arnaud. Arnaud, faites bien attention à ce que vous dites. Oui, par rapport à Roger Federer, faut faire attention. Hein. Oui, Roger Federer, attention. Le seul, le plus formidable, que devant lui, il y a quand même Rafael Nadal. Hein. Oui, mais Roger a quand même un bio par le palmarès. Mais c'est pas grave, parce que c'est quand même le meilleur. Oui, voilà, il est on content. Va mettre tout le monde d'accord. Dans 20 minutes, 9h, on est retard. C'est la semaine bio que nous allons clore aujourd'hui avec une spéciale bio. C'est en cuisine, c'est après ça. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite. Drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. La Franco-Odyssée vous emmène ce 11 juin découvrir le Languedoc Grandeur Nature avec notre ami Cody et la complicité de SNCB Europe. Ce samedi 15h sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Angleterre-Russie, à suivre en direct ce samedi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Jusqu'à 10h30, en cuisine, avec Steve Delaunoy et Candice Cotter. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Candice. Bonjour Steve, bonjour les amis. Demain se termine la semaine bio. La semaine bio, c'est quoi? Eh bien, c'est une semaine où il faut mettre à profit ses connaissances ou ses soifs de connaissances au travers du bio. Il y a des tas d'activités pédagogiques, il y a des tas de choses à visiter, des domaines à découvrir. Il y a un site internet, c'est lapacw.be pour tout savoir s'il se passe quelque chose bien beau et bio à côté de chez vous. Et on va évoquer justement ce mystérieux domaine qui est encore le bio quelque part. Exactement. Et on est les premiers à vous dire, allez dans un magasin bio, poussez la porte, oui. Laissez-vous tenter, etc. Et on vous le redit souvent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut pousser la porte d'un magasin bio, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément quoi acheter. Et donc, ce qu'on va vous proposer ce matin, c'est une émission un peu particulière. Je vous ai amené quelques produits de magasins bio, des trucs a priori qui ont un nom qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas forcément comment consommer, qu'on ne sait pas forcément comment cuisiner, on ne sait pas si ça se mange tel quel, si ça doit se chauffer, si ça... et on va vraiment analyser... Vous ne savez vraiment pas si vous allez me proposer des produits et vous ne savez pas si ça doit être chauffé, si c'est... Moi, je le sais, mais a priori, quand on entre dans... Moi, je le sais parce que c'est mon job et que je ne fais rien d'autre, mais quand on entre dans un magasin bio, on peut être un peu déconcerté par ça en se disant, mais ok, ça a l'air très chouette, ouais. Ils mettent dessus que c'est plein de nutriments, génial, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais? Et je ne sais même pas... Si je le ramène à la maison, ce que je vais vraiment en faire. Donc en gros, ça reste dans le rayon. Je pensais que c'était du shampoing, non, c'est du sirop de coco. C'est du sirop de coco. Parmi les choses que je ne connaissais pas. Et vous allez voir ici, on a différentes choses à vous proposer. J'ai vraiment pris des produits qui me tiennent très à cœur pour le moment, parce que c'est vraiment des produits santé, qui sont très faciles à cuisiner, qui ont pour moi tous les bons critères. Santé, facile à cuisiner, facile à incorporer dans notre cuisine du quotidien, qui sont pas trop bizarres finalement au niveau du goût et qui nous permettent vraiment d'agrémenter, d'ajouter une touche originale à ce qu'on mange d'habitude. Sans être complètement déconcerté et full nutriments. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des petites choses en plus et l'idée c'est qu'on va les détailler et vous expliquer comment les utiliser et si vous avez envie ensuite de pousser la porte d'un magasin bio et de vous laisser tenter par ça, ben au moins vous saurez comment gérer ça par la suite. Eh bien poussons les portes du bio et enrichissez vos connaissances culinaires, c'est un petit peu le but. N'hésitez pas si vous souhaitez savoir s'il y a des animations pédagogiques, des débats, des conférences, des actions en magasin près de chez vous. C'est la semaine bio jusqu'à demain dimanche à pacw.be. 8h30, 10h30, en cuisine. Bon, on va peut-être ramasser un peu le propos. Qu'est-ce qu'on entend par bio ? On entend par bio tous les aliments qui sont cultivés à ce, suivant un cahier de charges qui respecte les normes bio européennes ou mondiales, donc américaines a priori en tête. Ça se fait au travers de labels notamment ? Ça se fait au travers de labels, mais pas forcément. Donc il y a des produits bio et il y a des labels bio, mais il y a des produits qui sont bio parce qu'ils respectent un cahier de charges sans forcément qu'il y ait un label derrière. Un label, c'est aussi quelque chose de financier. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir une garantie, mais c'est aussi quelque chose de financier. Donc, faut pas non plus tomber dans le bio pour le bio. Je crois que le bio pour le bio, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Par contre, aller vers des produits différents qu'on ne trouve par la force des choses... Que par le bio. Que par le bio, exactement. Ça, c'est oui et c'est un grand oui. Et c'est ce qu'on vous propose ce matin. Alors, ce que je vous ai amené, il y a du wakame. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des algues. C'est japonais. Voilà, c'est japonais. Et ce sont des algues qu'on trouve sous différentes formes, même dans un même magasin bio. Vous avez du wakame instantané, vous avez du wakame qui doit être hydraté plus longtemps, vous avez d'autres types d'algues, vous avez différentes choses, vous avez des spaghettis de la mer, comme ils appellent ça, vous avez de la salade de la mer, c'est un peu le même principe. Mais donc, je vous ai amené ça, et Steve va être le Kobe. Alors... Je veux. Alors, effectivement, le fameux shampoing dont Steve me parlait... Sirop de coco. C'est du sirop de coco. On en peut se laver les cheveux avec, hein. Ouh, vous allez, oui, vous n'avez pas de cheveux, donc vous, oui, mais moi, gel. Non. Alors, c'est ça, c'est de la gomina. C'est très collant. C'est de la gomina. Alors, c'est du sirop de fleur de coco, de la fleur de cocotier. C'est un processus tout à fait différent au niveau de la pasteurisation du sucre. Et c'est un sucre qui est intéressant pour les diabétiques. Donc, c'est pour ça que je vous ai pris ça. Et c'est un sucre qui est très méconnu, le sirop de coco. On parle d'huile de coco à foison. On parle de beurre de coco aussi à foison, qui est une huile émulsionnée. On parle de plein de produits sur cette base de coco qu'on connaît aussi, de la poudre en passant par les flocons, etc. Mais ici, vous avez du sirop de coco. Je vous ai pris du camou. Exactement, c'est ce que Steve a en main. C'est en anglais, raw powder. Oui, c'est de la poudre crue. Donc, d'accord. Le camou, ça fait partie des super aliments. Donc, on vous avait déjà parlé des super aliments. Il y a une liste de 20 super aliments. Le camou en fait partie, c'est une baie. Et vous allez voir que ça, c'est un truc qui est tellement simple à ajouter à son alimentation. Ça coûte rien. Une petite cuillère dans son yaourt le matin. Et on va vous détailler les bienfaits. Vitamine C et zinc, notamment. Fond, c'est ce qu'ils mettent fond en front de packaging. Alors, un truc qui est super excitant pour moi, c'est dans la marque Jean Hervé, tout le monde connaît bien toutes les purées d'oléagineux. Ça, maintenant, c'est devenu super à la mode. Les purées d'amandes blanches, purées d'amandes complètes, purées de noisettes, purées de noix de cajou, blablabla. Toujours les mêmes purées oléagineux de base. Vous aviez la crème de sésame, donc de la purée de sésame, le sésame blanc de base, et c'était très sympa. Ils viennent de sortir quelque chose qui est consommé au Japon en permanence, la crème de sésame noir. La crème de sésame noir, c'est bien plus corsé que la crème de sésame blanc, et vous avez vraiment quelque chose qui est limite un repas en tant que tel. C'est à essayer absolument. Et je vous ai pris aussi du thé, c'est du yerba maté. Alors, la yerba maté, c'est le maté, de manière générale, c'est encore une tisane différente des tisanes qu'on connaît, je vous expliquerai, mais c'est du semi-fermenté. Donc, ce qui est intéressant ici, à nouveau, c'est les nutriments que ça comporte, les acides aminés que ça comporte. Et c'est une petite pause tisane très facile. Steve aussi va s'y coller. Et je vous ai pris aussi des petits chips de kale, des petits machins comme ça, un petit peu plus mode, des laits d'épeautre, genre un petit lait végétal un peu plus sympa pour qu'on puisse goûter des choses différentes, etc. Donc ça va être dégustation ce matin. Et le wakame est déjà en train de se réhydrater dans un verre d'eau. Vous faites bien les choses. C'est pour vous. Bon, c'est du bio aujourd'hui, c'est jusqu'à 10h30. Vos commentaires, questions et entrées dans le débat, c'est via la page Facebook évidemment, la page officielle de l'Encuisine et via le 3063 évidemment pour vos textos par SMS bien sûr. Les gars, à la mi-temps je vais chez Créfel. Hein. Sur Crefel.be, ouvert 24h sur 24, livré le lendemain. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. C'est moi, Hip, le Diable Rouge joue contre l'Italie. Mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50€, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Pour profiter pleinement de votre été en Wallonie, ce mardi 14 juin, à l'achat du journal L'Avenir, recevez gratuitement votre guide touristique de 108 pages sur les sites et manifestations de Wallonie avec livret détachable consacré aux balades à vélo. Votre été en Wallonie, votre guide touristique gratuit ce mardi 14 juin avec le journal L'Avenir. L'Avenir, l'avenir est au contenu. Observation numéro 3, papa, il va sauver la planète. pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise. Quel rapport avec le développement durable? Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. C'était pas ma fête à la base, là? Découvrez nos nouveaux appartements dans l'écoquartier de Visé les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be. Horizon Group. Investir les lignes du futur. Avec I Like the Way I Dance. En cuisine avec Candice Cotter et Steve Delaunoy. Premier pas franchi dans le monde du bio avec une première dégustation en studio du wakame. Je ne connaissais pas et je suis déjà ébahi par la transformation du produit brut. Donc vous achetez le wakame, c'est des petits sachets plastiques. Ça coûte 5 euros, on peut se dire oula, 5 euros pour en gros 3 algues, c'est cher. Donc ce sont des paquets qui font, attendez, je vais reprendre le paquet, 50 grammes. Alors 50 grammes d'alguettes comme ça, en gros, ça vous fait quand même un paquet qui a une certaine taille. Mais malgré tout, ce n'est que 50 grammes, on peut se dire que c'est cher. Le truc, c'est que le wakame, ça se regonfle. Donc vous allez réhydrater du wakame, ici c'est de l'instant, donc il faut 5 minutes. Si c'est du normal, il faut un quart d'heure, dans un petit peu d'eau tiède, ou froide, peu importe. Et vous allez voir que cette algue va prendre 10 fois son poids et 4 fois sa taille. Donc vous vous retrouvez avec tout chaque micro-morceau d'algue avec une vraie feuille. Et là, vous allez vraiment avoir quelque chose qui sera conséquent. Donc sur un petit paquet comme ça, pas d'inquiétude, c'est pas du vol. Déjà, première info, c'est pas du vol, ce prix est justifié. Vous avez un produit qui sera une grande quantité de légumes au final quand le paquet sera réhydraté. D'ailleurs, vous n'utilisez jamais le paquet entier en une fois. Hein. C'est petite poignée par petite poignée et vous en avez déjà pour 4 personnes. Donc l'idée, c'est que le wakame, c'est donc une algue brune qui est arrivée avec une huître japonaise jusqu'en Bretagne. En fait, l'idée, c'est que c'est une algue qui aime tout ce qui est mer froide et courant un peu violent. Donc elle s'est accrochée, cette algue. Et vous avez dans ce wakame une subtile, saveur iodée, vous avez un léger goût d'huître, vous avez une belle saveur marine, et Steve le goûtait hors antenne, je le goûtais avec lui, on se disait, ça c'est quelque chose qui pourrait tout à fait fonctionner dans une lasagne, ça c'est tout à fait quelque chose qui pourrait fonctionner en stoump avec un petit poisson à côté, c'est tellement simple. Et alors l'idée c'est que, de terrine de poisson, vos soupes, tout, hein. Et l'idée c'est que c'est hyper riche en protéines. C'est pour ça qu'on achète du wakame. Vous avez une proportion de presque 20% de protéines aux 100 grammes sur du wakame. C'est plus qu'un substitut de régime. C'est équivalent ou plus selon les gammes de substituts de régime. Généralement, on est autour de 15% de protéines aux 100 grammes. Ici, on est sur du 20%. Donc, c'est vraiment ultra chargé en protéines. C'est énorme. Et vous avez beaucoup de vitamines là-dedans. Vous avez notamment de la A, qui n'est pas super facile à trouver. Et vous avez toutes les gammes de B, donc les B1, B2, B6, B12, etc. Vous avez un peu de vitamine C aussi. L'idée, c'est que ça fortifie l'organisme. Intéressant aussi, outre les protéines, le wakame est plus riche en calcium que le lait. Vous avez 10 fois plus de calcium dans du wakame que dans du lait. 10 fois plus. 10 fois plus. Imaginez un peu, c'est un truc absolument dingue. Et pour que vous puissiez absorber le calcium, il vous faut de la vitamine D. Et vous en avez dans le wakame. Donc c'est un win-win. C'est tout en un, quoi. C'est tout en un. Vous avez beaucoup de fer là-dedans. Vous avez, on dit toujours, bon, c'est une légende urbaine, mais on dit toujours, oui, Popeye, du fer, les épinards, etc. Toujours le même truc. Oui, c'est vrai que le mythe a été construit autour de ça, mais voilà, non. Voilà, c'est la boîte de conserve. Mais en gros, c'est vrai que vous avez... Le fer, c'est ça. Le fer, c'est ça. C'est la boîte de conserve qui contient les épinards. Non. Mais donc vous avez quand même dans les épinards un peu de fer, c'est vrai, mais vous avez dans du wakame 4 ou 5 fois plus de fer que dans des épinards de base. Mais vous j'ai déjà avez... l'avant-bras qui commence à s'atrophier. Je pense qu'il y a un tatouage d'encre qui va apparaître. On connaît à fond tout ce qui est levure de bière, germe de blé, etc. pour la richesse notamment en vitamine B, mais également en magnésium. Et bien, vous avez 2 fois plus de magnésium dans le wakame que dans le germe de blé. Donc, vous avez, le magnésium, c'est antidéprime, c'est anti-crampe aussi pour ceux qui sont sujets à ça. Et c'est comme tout produit de la mer, c'est super riche en oméga 3. Donc, en gros, vous avez un truc qui est absolument imbattable. Imbattable. Concentré en minéraux, concentré en vitamines, concentré en protéines. Vous avez des fibres là-dedans. Vous avez, on parlait du magnésium, du fer, mais vous avez du potassium là-dedans, du cuivre. Vous avez du phosphore, vous avez de l'iode, bien sûr. Vous avez du zinc, donc c'est aussi très bon, notamment pour la peau. Vous avez des phytostérols. Les phytostérols, ce sont des composés qui chimiquement ressemblent au cholestérol et qui empêchent l'organisme d'absorber le cholestérol. Donc c'est aussi sympa au niveau de la prise de cholestérol. Vous trouvez le wakame sous plein de formes, hein, en salade de la mer comme ça. Vous le trouvez même en gélule, en complément alimentaire, tellement c'est bon pour la santé, en pharmacie ou en magasin bio. C'est sympa de le consommer comme ça. C'est peut-être un des secrets de longévité de nos amis japonais. C'est connu, hein, de toute façon, la population asiatique de manière générale, mais les Japonais en tête, sont ceux qui ont la meilleure santé dans le monde. Et c'est connu que c'est grâce au soja et aux algues, les deux. Et donc ici, vous avez un très bon exemple qui est très facile à consommer. Il y a d'autres algues, mais j'ai pris le wakame parce que c'est celui qui, pour moi, au niveau du goût, est le plus passe-partout. C'est pas quelque chose de dérangeant en bouche, non. Ça se laisse grignoter et limite vous le réhydratez et vous le laissez sécher, vous l'épongez à l'essuie-tout, vous le mettez un peu au four et vous avez des chips de wakame maison. Tout ça est possible aussi, c'est tellement facile. Voilà le wakame, le premier produit bio que nous avons testé en studio en votre compagnie ce matin. Yannick Laurent avec Si tu savais, un autre produit bio à venir, c'est la semaine bio. Si tu savais mon frère, ce que je trouve là-bas chaque fois. Le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas. Au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas. Nos sentiments s'enlisent et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Eux, tu sais, quand ils disent, pas besoin de signer en bas. Chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, comme je me retrouve quand je suis là-bas. Dans le chant, leur prière, où j'aime tant mêler ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas. Les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. lapins et les chimères, la peur de l'au-delà. Juste offrir et se taire, sans réfléchir, juste comme ça. La crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà. C'est tout leur univers qui partage simplement avec. Yannick Noah avec Si tu savais. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Vous écoutez Vivacité, il est 9h. Ce fut difficile, mais la France a réussi hier son entrée dans son Euro de football. L'homme du match s'appelle Dimitri Payet. Pendant ce temps, la pression monte pour nos diables. À 2 jours de leur premier match, ce sera lundi contre l'Italie. Dans les prisons, la protestation s'essouffle. Plusieurs établissements ont voté la reprise du travail. D'autres restent en grève. On fera le point dans ce journal. Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Mohamed Ali. La cérémonie funèbre du boxeur légendaire était organisée hier dans sa ville natale du Kentucky. 3 heures intenses en émotion. Place aux infos avec Catherine Tonnerreau. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. L'équipe de France a donc bien lancé son Euro. Les Bleus ont battu non sans mal la Roumanie hier 2-1 dans le match d'ouverture, Arnaud Montero. Oui, on va dire que nos diables sont prévenus, un premier match dans un Euro. Mais c'est pas toujours facile, c'est même très compliqué. La victoire des Bleus hier soir est étriquée. Elle a été acquise à la toute dernière minute grâce à un but splendide de Dimitri Payet. Un but à voir et à revoir évidemment sur notre site sport. Mais Blaise Matuidi le sait, tout n'a pas été parfait. C'était difficile, match d'ouverture, on le savait, mais il faut féliciter aussi l'équipe de Roumanie qui a fait vraiment une très belle prestation. Nous, on n'a pas fait notre jeu habituel, mais ça fait 2 ans qu'on fait que des matchs amicaux. Là, on retrouve la compétition, donc on savait que ça allait pas être évident, ça a été le cas. Mais à l'arrivée, on gagne et on voit que même si dans le jeu, on est moins bien, on y a mis du cœur. Le milieu de terrain, Blaise Matuidi au micro de notre envoyé spécial Ebi Brozakis. La deuxième journée de l'Euro, c'est évidemment déjà aujourd'hui. Elle commence à 15h avec dans la poule A, Albanie-Suisse. À 18h, place à la poule B avec le duel Galles-Slovaquie. Et à 21h, Angleterre-Russie. Et pendant ce temps, Arnaud, les Diables Rouges sont à J-2 de leur entrée dans le tournoi lundi contre l'Italie. Oui, dans leur résidence du Bordelais, vous imaginez bien, les Diables piaffent d'impatience et ça se voit à l'entraînement. Il y a plus d'intensité, les duels sont plus costauds, la montée en puissance est lancée. Écoutez Jean-François Gillet, c'est le troisième gardien, il a beaucoup d'expérience et surtout, il a joué presque toute sa carrière en Italie. On est concentré à fond sur notre match, donc on est à fond sur l'Italie, on veut faire un grand match. Je crois que cette équipe a quand même prouvé ces dernières années qu'elle avait quand même du punch. Elle savait toujours se reprendre, même dans les difficultés, même dans les critiques. On a toujours fait notre boulot, donc on peut rien promettre parce que bon, un tournoi, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut de la chance, il faut un peu de tout. Mais c'est sûr, on va s'arracher pour aller le plus loin possible, ça c'est certain. Et c'est quoi le plus loin possible? Le plus loin possible, c'est la finale, ça c'est bien sûr. Mais bon, dans un grand tournoi, il faut un peu de tout. Il faut de la chance, il faut tes hommes, tes stars en forme au bon moment. Il faut un peu de tout pour aller jusque-là. Jean-François Gillet évoque les stars. On pense évidemment à Eden Hazard. On pourra le voir lundi soir donc sur la RTBF dès 20h20. Belgique-Italie, c'est chez nous évidemment que ça se passe sur tous les médias de la RTBF. Le rendez-vous est évidemment pris. Merci Arnaud Montero. Eux, ils ont complètement raté leur entrée en la matière. Ce sont les hockeyeurs belges. Défaite 0-2 hier face à la Corée au Champions Trophy. C'est un tournoi de préparation pour les Jeux Olympiques. Et le match de rattrapage, c'est déjà aujourd'hui face à l'Allemagne. La grogne des agents pénitentiaires s'essouffle dans certaines prisons. Du moins, depuis deux jours, les assemblées générales se multiplient. Et la fin de grève, Justine Hermans, c'est pour bientôt dans plusieurs établissements. Oui, à Lezan-Hainaut, par exemple, les agents pénitentiaires veulent reprendre le travail le plus rapidement possible. La grève se termine aussi à Nivelles, Dinan et Pèves. Mais dans plusieurs établissements, les agents persistent à Lantin, Tournai, Namur et Andenne. À Mons et à Arlon, il y aura une nouvelle assemblée générale mardi. À Forêt, les gardiens réclament un comité de concertation extraordinaire avec la direction de l'établissement, la direction régionale et les syndicats. À Marche-en-Famenne et Ittre, c'est encore le flou. Les agents se prononcent lundi. À Jamiou, les gardiens espèrent toujours. Ils veulent une modification du dernier protocole d'accord présenté il y a 10 jours par le ministre de la Justice Koen Gaens. Des délégués syndicaux lui soumettront lundi une proposition de modification. Mais les chances d'aboutir semblent faibles. Le protocole a été signé par les syndicats flamands et le syndicat libéral côté francophone. Et le Premier ministre Charles Michel l'a répété, les discussions sont terminées. Merci Justine Hermans pour ces précisions. De leur côté, les cheminots retirent leur menace de grève sur le rail. La CGSP avait déposé un préavis pour une semaine entière à partir de ce dimanche soir. Le syndicat socialiste a finalement décidé de donner une dernière chance aux négociations qui touchent notamment la productivité des cheminots. Direction et syndicats de la SNCB se retrouveront lundi à 15h. On reste sur le rail où se développent des convois d'un genre nouveau, des trains fonctionnant essentiellement à l'électricité verte. Le projet est à l'étude sur la ligne Liège-Louvain, un projet qui vient de recevoir le prix du développement durable des entreprises publiques. Son nom, le train à voile, appelé ainsi car il utilise l'énergie produite par des éoliennes installées le long de cette ligne. Thierry Von Gulick nous explique les contours de ce projet, notamment porté par Infrabel, Electrabel, la ville de Saint-Tron et l'intercommunale bruxelloise d'électricité. Un train à grande vitesse poussé par le vent, l'image est belle, mais plus poétique que réelle. Les trains sur la ligne Liège-Louvain ne hissent pas les voiles, mais c'est un peu ça tout de même. Anne-Sophie Huger, porte-parole de Engie Electrabel. Ça n'est pas qu'une image, qu'effectivement les éoliennes sont reliées directement au réseau ferroviaire, mais effectivement là l'endroit était idéal, le long d'une autoroute, le long d'une ligne ferroviaire. Mais comment ça marche ? Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Les éoliennes produisent de l'énergie et cette énergie, elle est réinjectée dans un poste électrique qui nous appartient. Il y a aujourd'hui environ 40% de cette énergie qui est consommée directement par les trains qui passent là, quelques mètres de là, et le reste est réinjecté dans le réseau de distribution et bénéficie à des ménages. Ce sont ainsi 170 trains par jour qui fonctionnent à l'électricité verte depuis octobre dernier, soit 5% du total des trains voyageurs de la SNCB. Et cela grâce au parc Green Sky qui comprend aujourd'hui 7 éoliennes et 9 autres dans une deuxième phase. De quoi économiser à terme 20 000 tonnes de CO2 par an, un projet unique en Europe. Lui utilise l'énergie du soleil pour voler et est arrivé sur New York ce matin. Le Solar Impulse termine sa tournée américaine par la grosse pomme. L'avion solaire survolait tôt ce matin la statue de la liberté éclairée dans la nuit. Une image qui va marquer son tour du monde démarré il y a plus d'un an. C'est absolument incroyable, c'est un rêve, a déclaré son pilote suisse André Borschberg. Les billets se sont vendus à une vitesse éclair, à peine une demi-heure pour écouler les 15 500 tickets d'accès à la cérémonie funèbre de Mohamed Ali. Elle s'est déroulée hier à Louisville où il est né dans le Kentucky. Des milliers de personnes venues rendre un dernier hommage au boxeur légendaire. Une cérémonie pleine d'émotions qui a duré près de 3 heures. Le reportage de notre correspondante aux États-Unis, Sonia Dridi. C'est par la récitation de versets du Coran que la cérémonie funèbre a commencé, mais des leaders de toutes les religions étaient présents. Aux côtés de la famille et des amis du légendaire boxeur, de célèbres artistes comme l'acteur Will Smith, des hommes politiques et des milliers de fans, sa femme Loni Ali a exprimé son émotion face au message de condoléances du monde entier. Notre famille remercie les millions de gens qui, grâce au miracle des réseaux sociaux, inspirés par l'amour pour Mohamed, nous ont apporté leurs prières. Les messages sont arrivés dans toutes les langues, de tous les coins du monde. Pour représenter les Obama qui n'ont pas pu assister à la cérémonie, la conseillère du président, Valérie Jarrett, elle a lu un message rendant hommage à Mohamed Ali de leur part. Il était plus grand, plus intelligent, plus original et plus influent que n'importe qui d'autre de son époque. Bill Clinton, l'ancien président et ami de Mohamed Ali, s'est également exprimé. Par contre, il a été refusé au président turc Erdogan d'intervenir lors de la cérémonie. Vexé, ce dernier a décidé d'écourter son séjour dans le Kentucky. Il n'a pas assisté à la cérémonie ce vendredi. Le groupe terroriste État islamique multiplie les revers sur le terrain en Libye, en Irak et en Syrie où les djihadistes sont en train de perdre la ville de Minbej au nord, tout près de la Turquie. Un endroit stratégique puisque c'est leur principal axe de ravitaillement en armes et en hommes. Autre bastion de Daesh, la ville d'Alep. C'est cette ville qui est originaire Rami Anis, un nageur qui s'entraîne en Belgique depuis plusieurs mois. Un nageur qui participera aux Jeux Olympiques de Rio cet été pour la première fois de l'histoire des Jeux, le Comité international olympique a en effet mis sur pied une équipe olympique des réfugiés, une délégation de 10 athlètes de différentes disciplines qui défilera sous la bannière olympique juste après le pays hôte, le Brésil. On y retrouvera des ressortissants du Soudan du Sud, d'Éthiopie, du Congo ou encore donc de Syrie avec Rami Anis. Thibaut Deplanque nous raconte son histoire. Il s'appelle Rami Anis, a 25 ans et est originaire d'Alep, une ville détruite à 70%. Sa spécialité, c'est le 50, 100 et 200 mètres papillon. La natation, il la pratique depuis très jeune, mais en 2011, la guerre l'a obligé à fuir. Mes oncles sont aussi champions de natation en Syrie. C'est eux qui m'ont encouragé à nager au plus haut niveau. J'ai quitté la Syrie en octobre 2011 pour la Turquie, mais comme je n'avais pas la nationalité turque, je n'étais pas autorisé à disputer des compétitions professionnelles. Après un autre long périple à travers la Turquie, plusieurs autres pays des Balkans et l'Allemagne, Rami arrive en Belgique. Il y fait la connaissance de Karine Verbowen, son coach actuel. Une première rencontre étonnante. Il me disait, combien est-ce que vous me donnez pour que je nage ici? J'étais un peu surpris. Ici, on ne me donne pas de l'argent. Il dit, oui, il ne veut pas de la charité. Le nageur syrien décide alors de partir vers l'Allemagne, mais fait face à un refus similaire. De retour en Belgique, il accepte finalement la proposition de Karine Verbowen. Et depuis février, il s'entraîne intensivement en vue des Jeux. Je voudrais améliorer mon record personnel du 100 mètres papillon et passer sous les 55 secondes. En plus de la natation, Rami Anis apprend également le néerlandais. Au jeu, il promet de prouver que les réfugiés sont aussi capables de donner quelque chose en retour à toutes les personnes qui leur sont venues en aide. 9h11, excellent début de journée sur Vivacité. On file en cuisine avec Steve et Candice. Et on cuisine du bio aujourd'hui à l'occasion de la semaine bio. C'est encore tout ce week-end partout en Belgique. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. On salue Jean-Marc Strel tout d'abord. Bonjour mon cher Steve. Comme certaines femmes, météo toujours capricieuse aujourd'hui avec des averses, des nuages. Quel beau lancement. Effectivement, ce samedi matin, des averses se déclencheront par endroits au sud du Sillon Sambre-Meuse, alors qu'ailleurs, un voile épais recouvre le ciel avec de trop rares éclaircies, les températures comprises entre 12 et 14 degrés. Cet après-midi, le ciel reste nuageux avec des averses possibles sur l'ensemble du pays. Dans l'ouest et le sud, il s'agit d'orages. Dans une ambiance maussade, le mercure affiche une petite baisse ne dépasse pas 21 degrés. Le temps d'une nuit pour recharger les batteries, Jean-Marc, et on repart de plus belle. Oui, ce soir et cette nuit, le ciel reste chargé sur le centre et l'est, mais les dernières pluies disparaissent. Mais malheureusement, dès demain matin, les nuages bourgeonneront à nouveau. Les averses se déclencheront un peu partout. Nous annonçons une journée humide. L'après-midi, pas de changement, mis à part à la côte, où les averses seront moins fréquentes. D'ailleurs, il s'agira de pluies accompagnées d'un coup de tonnerre. Des températures un peu fraîches, situées entre 16 et 19 degrés, voire 20 degrés en campagne. Je sais votre caractère tenace, Jean-Marc. Marc, vous avez cherché, cherché, cherché, et pourtant pas de trace d'une amélioration pour l'instant. Oui, j'ai crié, crié. Pour qu'elle revienne. Pour qu'elle revienne, mais elle n'est pas revenue. Et donc ce lundi, un ciel toujours très nuageux, porteur d'averses, un temps frais pour la saison, 19 degrés côté température. Mardi, le temps reste perturbé et instable, avec de la fraîcheur et des averses orageuses. Et donc j'ai cherché, mais pas trouvé. Pas d'évolution, en tout cas, agréable cette semaine. Bon, voilà. Écoutez, on va essayer d'amener un peu de soleil dans la radio en vous souhaitant la bonne journée. Merci beaucoup, Steve. Hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours. Et s'il y en a un hors jeu, carton rouge, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Il y a une question de Gudule sur le quinoa qui, avant d'entrer dans le circuit traditionnel grande surface, était peut-être un produit bio, même s'il l'est toujours. Tout à fait, donc vous le trouvez encore en bio, et avant c'était un produit un petit peu plus méconnu, et maintenant c'est devenu vraiment très à la mode, et vous en trouvez dans tous les supermarchés. Je vous salue tous et toutes, nous dit-elle. Bonjour Gudule. Une idée pour préparer du quinoa de manière goûtue, avec des petits guillemets. Alors, le quinoa, vous pouvez en faire plein de trucs. Maintenant, ce qui fonctionne bien pour moi en quinoa, deux choses. D'une part, un mélange sucré-salé sur une base de quinoa, fèves et dattes. C'est un très joli mélange. Vous avez le vert de la fève. Si vous avez la chance d'avoir des dattes, et trouvez-en maintenant, des dattes semi-fraîches, donc des dattes qui sont beaucoup plus moelleuses. Là, vous allez avoir quelque chose qui sera magnifique au niveau des saveurs et de la texture. Ce qui fonctionne bien aussi, si vous aimez ça, et ça, ça peut vous faire vraiment une chouette salade quand vous recevez, c'est un mélange de patates douces et de pommes dans le quinoa. Votre quinoa, de la patate douce en brunoise rôtie au four, donc simplement coupée très fin, votre patate douce épluchée coupée en petits carrés. Vous mettez ça au four, huile d'olive, sel, poivre, et selon la taille de vos morceaux, vous mettez entre petits cubes brunoise 10 minutes à 190, jusqu'à cubes dés de jeu 20 minutes, jusqu'à cubes un peu plus gros style, aidez-moi, un cube de cette taille-là, c'est un tube de quoi ? Un cube de quoi ? Bonne question. Voilà. Bah, disons 2 cm sur 2 cm. Ah, vous voulez les mensurations de la chose, d'accord. Alors vous allez jusqu'à 30 minutes à 190, donc vous le faites cuire jusqu'à ce que votre patate douce soit bien tendre. Vous mélangez ça au quinoa avec de la pomme, avec un petit peu de balsamique, et vous faites des grandes lanières de pommes pour faire une décoration tout en volume, une sorte de tagliatelle de pommes par-dessus. Rien ne vous empêche non plus d'ajouter là-dedans une petite tagliatelle de courgettes en plus, un truc qui va vous donner davantage de volume et qui va vous permettre d'avoir une salade qui sera vraiment super jolie visuellement aussi. Et tout ça sur du quinoa. Voilà donc pour le quinoa. Dans un instant, on partira vers du sirop de coco. Le fameux, un des produits que Candice a amené pour justement développer des commentaires et des réflexions sur les produits bio, puisque c'est la semaine bio tout au long de ce week-end encore. En Wallonie, il y a peut-être aussi quelques adresses à Bruxelles qui font également la fête aux produits bio, tout ça sous l'égide de l'agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. On les appelle l'APACW. Si vous allez sur le site web apacw.be, vous saurez tout sur les activités qui gravitent autour de cette semaine bio. C'est encore tout ce week-end pour découvrir ce qu'est le bio et puis découvrir plein de choses étonnantes comme le sirop de coco que nous allons goûter dans un instant. On atterrira dans les étoiles, on aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on atterrira dans les étoiles, et de là où on pourra voir le monde entier. Delta en visant la Lune sur Facebook. Une question concernant le wakame. C'est le premier produit bio que nous avons goûté dans la première demi-heure de cette émission. Oui, effectivement, il y a Marguerite qui nous dit « Pas de contre-indication du wakame pour les diabétiques ». Si. Et faites attention parce que vous trouvez les deux infos sur Internet. Vous trouvez « c'est bon pour le diabète » et « c'est pas bon pour le diabète ». Vous trouvez « ça régule le diabète » et vous trouvez « attention, il y a des concentrations en micro-éléments qui ne vont pas, en micronutriments qui ne favorisent pas la stabilisation du taux de sucre dans le sang. Donc, quand vous êtes, comme il y a une énorme dose d'iode dans le wakame, si vous avez des problèmes de thyroïde, non. Même si une iode dans une quantité correcte est intéressante quand on a un problème de thyroïde, en grosse quantité comme c'est le cas ici, ça peut favoriser un dérèglement de la thyroïde. Donc, quand vous avez des problèmes de thyroïde, c'est non. Quand vous êtes enceinte, c'est non. Les enfants, le wakame, c'est non. Il vaut mieux éviter. Et les diabétiques, c'est non. Pour toutes les autres personnes, c'est un magnifique produit qui vous permet vraiment d'avoir un plus santé. Mais pour les personnes qui sont fragilisées au niveau de l'organisme, là, il vaut mieux éviter parce que ça reste un produit qui est relativement instable. Vous prenez de la spiruline, qui est aussi de l'algue en complément alimentaire, ben c'est le même principe. C'est tellement, tellement boostant que ça peut aussi créer un dérèglement de l'organisme. Donc ici, on fait plus attention. Et pour les diabétiques, effectivement, pour moi, c'est non. Donc on évite ça à 100%. Un autre produit bio intéressant sur le plan de la glycémie, c'est le sirop de coco. On goûte ça dans un instant. Moi, j'aime toujours les légumes à la vapeur. Oh, rien de mieux que cuire ces légumes à la vapeur. Ça en préserve tous les bienfaits. Tu sais, ça, petit? Oh oui, je le sais, monsieur Marc. Surtout que des bienfaits, il y en a plein dans nos bonnes courgettes. Alors, un bon conseil, ne les ratez pas. Elles sont en promo. Oui. D'ailleurs, mettez la vapeur. Allez, hop. Tchou-tchou. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses courgettes sont à seulement 1,59€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Sophie mange du fromage. Simon, intolérant au lactose, mange aussi du fromage. Et oui, aucune différence. Parce qu'avec Dilea Zéro Lactose, vous savourez 20 produits laitiers 100% sans lactose, mais avec exactement le même goût. À découvrir au rayon frais et sur Dilea.be. Dilea, le geste plus digeste. Maintenant, chez Dovi Awan, lave-vaisselle gratuite et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur Dovi.be. Nous créons votre cuisine. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Vivacité et la 3 présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. En cuisine sur Vivacité. On irait bien avec vous se restaurer dans une belle adresse de Belgique avec nos copains du Guide Delta. Mais nous, ici en studio, on ne peut pas jouer. C'est un concours spécialement dédié pour vous. Nous allons à la Malterie à Chimay, une découverte des Guides Delta, cuisine française de terroir et une belle terrasse à découvrir avec les beaux jours qui sont revenus. Ça tombe bien. Allez, un repas pour deux, pour vous, sans les boissons, à la Malterie à Chimay. On joue par SMS au 6003. Le 6003 avec le fameux mot cuisine pour démarrer votre message. Vos coordonnées complètes. Pas facile de parler quand on déguste des très très bons produits bio que Candice nous a amenés. Mais on termine quand même ce jeu. Donc 6003, le mot cuisine, vos coordonnées complètes et tadadam, le mot de passe du Guide Delta que l'on va chercher sur 3xw.deltaweb.be. Les bruitages sont faits de manière effet bio spéciaux, et artisanale. Effet spéciaux Spielberg, je vous le dis. Ah, ça c'est... Oui. Deux cuillères. Enfin, deux fourchettes en l'occurrence. Il y a une réglementation européenne sur nos bruitages aussi. Ouais, attention, non, c'est... rien n'est laissé au hasard. Il y a des contraintes, il y a un vrai label du bruitage dans la cuisine. Tout est fait à la bouche et à la main. 6003, le mot cuisine, vos coordonnées complètes, le mot de passe du Guide Delta. Et pour vous, un repas pour deux, sans les boissons, à la Malterie, à Chimay. Ben, il n'y a plus qu'à jouer, s'il vous plaît. Bien, un autre produit bio à découvrir dans le cadre de la semaine bio. Qui a encore plein d'activités. Il y a encore plein d'activités à découvrir tout au long de ce week-end. APACW.be, si vous voulez une conférence, une action en magasin, une animation pédagogique, allez à la rencontre des acteurs du bio. Et ils vont vous expliquer avec passion ce qu'ils font au quotidien pour le bien de votre santé, notamment. Le sirop de coco dans une bouteille de shampoing. Oui, c'est vrai que la bouteille ressemble à du shampoing. Alors, le sirop de coco, ça, c'est un produit que je vous conseille vivement. Le sirop de coco, ça ressemble à du miel de châtaignier, donc un miel très foncé. C'est ambré, oui. C'est ambré, c'est clairement vraiment tout à fait brun. Et vous avez une texture un peu de sucre candy, comme ça, un peu dense, un peu mélasse. Alors, le sirop de coco, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sirop, c'est une sève. En fait, vous avez une sève de noix de coco, légèrement sucrée, qu'on chauffe pour obtenir ce sirop. L'eau s'évapore. Et vous avez, grâce à l'évaporation de l'eau, le sucre qui se concentre et qui devient un sirop. Quand on ne chauffe pas la sève, c'est peut-être intéressant de le savoir, quand on ne chauffe pas la sève de coco, de noix de coco, elle peut fermenter et en Asie, on la consomme sous forme de vin de coco. Ça, si vous avez l'occasion de goûter un jour, c'est vraiment sympa aussi. Dans les magasins, on s'éloigne totalement du goût aussi. De la noix de coco. Hein. Oui, oui. Ça goûte absolument ça. Alors, voilà, exactement. Il y a une question de Nicole qui nous dit « Le sucre de coco a-t-il fort le goût de la noix de coco ? Certaines huiles de noix de coco ont un goût tellement fort. » Alors ici, ce n'est pas du sucre de coco, c'est du sirop de coco. Vous trouvez aussi du sucre de coco, le sucre de coco grain, comme le sucre blanc, comme notre sucre blanc ou même de canne non raffiné de base. Ici, c'est du sirop, donc c'est vraiment liquide. Et ça n'a pas le goût de la noix de coco. Ça goûte le sirop de Liège. Mmh. Ça goûte en gros le sirop pomme-poire date. Voilà, on est là-dedans. C'est vraiment ce goût-là. Mais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment ce goût-là. Vous le prenez sur une cuillère, c'est vraiment ça qui vous explose dans la bouche. C'est fabriqué en Inde, vous en avez aussi en Amérique du Sud, vous en avez dans certaines zones tropicales du Pacifique. Vous avez cette récolte, vous avez peut-être déjà vu ça à la télévision, cette récolte qui se fait en escaladant les arbres. On attache les tiges de fleurs de coco, on tape dessus pour récupérer la sève des fleurs et vous avez cette sève qui tombe dans un récipient qui est accroché en dessous pendant quelques heures. Vous avez toute cette sève qui ensuite est chauffée. Donc c'est du sucre cuit. Attention, c'est pas pour les personnes qui veulent une alimentation naturelle crue, c'est pas le produit. C'est du sucre cuit. C'est un vrai, vrai sucre qui est caramélisé. D'ailleurs, c'est la caramélisation et la cuisson qui lui donne cette couleur brune. C'est pour ça qu'il est si brun, ce sucre. Pourquoi il est intéressant ? Parce que son indice glycémique est très peu élevé. L'indice glycémique, c'est le pic le pic d'insuline que vous procure un produit sucré quand vous le consommez. Donc, vous mangez quelque chose de sucré, vous avez un pic de sucre, un pic d'insuline dans le sang, et ça vous fait stocker, outre le fait que ce soit pas très bon pour la santé, parce que ça vous donne un coup de boost, puis vous retombez aussi sec, ça vous fait stocker tout ce que vous pourriez ajouter dans la même bouche de gras. Donc ça vous fait stocker la graisse. Ce pic de sucre vous fait paradoxalement stocker la graisse. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de consommer un maximum de produits dont l'indice glycémique est faible. Je vous donne un exemple. Le sirop de coco, on est à 35. Donc l'indice glycémique est représenté chaque fois par un chiffre. Ici, on est à 35, ce qui est très peu. Un sirop d'érable, on est à 60. Un sirop d'agave, qui est connu pour être un produit santé par excellence, on est encore à 40. Donc c'est encore plus que le sirop de coco. Et un miel, on est à 50. Donc ici, on est dans un produit qui est vraiment très intéressant au niveau de son indice glycémique. Et ce qui est plus intéressant encore pour moi, c'est que par rapport au sucre, il est plus facilement dosable. Je m'explique. Ici, vous avez le même pouvoir sucrant que le sucre. En gros, si vous mettez 10 grammes de sucre dans une recette, vous mettez 10 grammes de sirop de coco dans cette même recette et vous aurez le même pouvoir sucrant. Donc pour nous qui avons l'habitude d'utiliser du sucre, c'est super facile. Vous avez une recette où il faut 200 grammes de sucre, bah vous mettez 200 grammes de sirop de coco. C'est pas plus compliqué. Donc ça vous permet d'avoir quelque... Et c'est tellement dense que vous ne devez pas faire attention à votre équilibre sec humide. Ça fonctionne donc même dans les pâtisseries. Un sirop d'érable, sucre par rapport au sucre normal, à 30-50%. Donc vous devez mettre deux fois plus de sirop d'érable pour avoir le même pouvoir sucrant qu'un sucre blanc. Mais donc vous mettez deux fois plus de quantité sucrée dans votre préparation. Vous mettez deux fois plus de trucs sucrés. C'est pas bon non plus. Un sirop d'agave, même chose, sucre à 30 ou 50%. Donc par exemple, vous auriez 100 grammes de sucre blanc à mettre dans une recette, vous devriez mettre 200 grammes de sirop d'agave pour avoir le même goût. Donc c'est vraiment révolutionnaire. Donc c'est vraiment un tout bon produit. Et pourtant, généralement, les produits noix de coco, l'huile en tête, je suis toujours sceptique. Mais ici, vous avez vraiment un chouette sucre, même si c'est un sucre cuit, manufacturé. Hein, on n'est pas dans un sucre, voilà, c'est pas le produit le plus sain. Il est transformé. Mais par rapport à du sucre blanc ou même du sucre de canne, parce qu'ici, on est dans un produit qui est quand quand même non raffiné, donc c'est quand même meilleur pour la santé. Vous avez beaucoup de nutriments là-dedans, mais vous avez quelque chose de bien plus intéressant. Vous avez en plus là-dedans vitamine C, vitamine B, potassium, voilà, vous avez plein de choses, comme dans tous ces produits naturels, on a quand même plein de nutriments qu'on n'a pas dans du sucre blanc de base. Donc ça, c'est un truc à essayer d'urgence, dans vos carbonates flamandes, dans votre sauce lapin pour vos boulets à la liégeoise, ou vous ajouteriez, sur votre herbe, ou vous ajouteriez en gros du sirop de liège, tentez ça. Ça vous permet vraiment de varier les plaisirs et d'avoir quelque chose qui est si facile à utiliser. Sur des crêpes, sur des pancakes, faites-vous plaisir. Pour caraméliser un poulet, badigeonner avant cuisson, oui, huit, sirop de coco. On a envie de se faire des spéribs caramélisés barbecue, huit, sirop de coco. Tout ce qui est lac. Waouh, lac, c'est extra parce que ça colle comme une mélasse. Vous avez quelque chose de super gourmand. Donc ça, c'est the produit. Vous passez dans un magasin bio, vous voyez sirop de coco, vous vous arrêtez, vous achetez. C'est pas plus compliqué, c'est un truc que vous allez utiliser jusqu'à la dernière goutte et vous irez en racheter. C'est le petit déj. C'est trop bon. Aussi d'un peu de fromage blanc comme ça. Oui. Ouais, c'est juste magnifique. Et toujours le plaisir de cet indice glycémique qui est si bas que vous n'avez pas le problème du pic d'insuline. Vous en avez la preuve par 4, par 8, par 9, que cette semaine bio a vraiment du bon. On évoque des produits jusque-là peut-être méconnus encore pour vous. C'est le cas du sirop de coco, c'est mon cas. En tout cas, la semaine bio, c'est sur la PAC W.be. C'est sur ce site internet que vous allez découvrir toutes les activités qui se passent peut-être à côté de chez vous, en magasin, en marché, en ferme ou autre, pour découvrir donc les acteurs de ce circuit bio pour votre santé, pour voir aussi et préserver le respect des animaux, avec les labels que vous aurez aussi l'occasion de découvrir. On aura peut-être l'occasion d'en toucher un mot dans cette émission. À 9h30, il déjeune en paix. On va donc le laisser un petit peu tranquille, surtout le laisser chanter. Le Suisse-Allemand Stéphane Escher sur Vivacité. Bonne matinée, c'est le bio qui s'invite sur vos tables jusqu'à 10h30. Bienvenue. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Texte de l'auteur Philippe Jean, bien sûr, Stéphane Escher et Déjeuner en paix. Actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur chauffage, poêle à bois et pellets, solaire climatisation et pompe à chaleur. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Jean-Fils à Verlaine. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au salon des nouvelles technologies. À découvrir, réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démo high-tech en galerie. En plus, offre et remise haute définition pour faire plaisir à papa. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh mince alors, comment t'as fait? Quelques kilos à perdre? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors! Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. En cuisine, jusqu'à 10h30, sur Vivacité. Plusieurs raisons de choisir le bio, un retour aux sources quelque part, un retour aux produits vrais, Candice, c'est une des motivations qui peut pousser monsieur, madame, tout le monde à entrer dans un magasin bio. Aux produits débarrassés, oui, aux produits débarrassés d'énormément de pesticides, énormément de produits chimiques qui sont mis à foison sur tous les produits qu'on consomme. Et il y a certains produits qui sont bio et qu'on... Honnêtement, pour moi, on ne doit pas acheter version bio parce que c'est vrai que c'est plus cher et que le produit de base non bio n'est pas mauvais. Mais il y a des produits qui sont bio et qui nécessitent d'être achetés bio parce que là, vous avez vraiment un ajout de pesticides ou de conservateurs ou de produits mauvais pour le corps, quels qu'ils soient, des exhausteurs de goût en quantité impressionnante, etc., qui sont à éviter. Maintenant, même dans le bio, il y a à boire et à manger. Même dans le bio, vous avez, c'est pas parce qu'il y a un cahier de charge, vous avez des trucs qui sont... bio mais full gras et full mauvaise graisse, mais pourtant le cahier de charge est respecté. Vous avez je vois passer une question ici de Willy sur les substituts de viande, voilà, donc tout ce qui est tofu, seitan et compagnie. Ben vous avez là-dedans à boire et à manger, en gros vous avez des produits qui sont par définition full graisse avec pas assez de protéines. Vous pouvez consommer sans restriction tout ce qui est vendu sous sa forme nature, donc tous les blocs de tofu, les cornes nature, les seitan standard, etc. Mais dès qu'on est dans des choses qui sont un petit peu préparées, donc tout ce qui est plat préparé simple, style chili con carne végétarien, tout ce qui est ravioli végétaux, les burgers végétaux, les panés ou pas, etc., vous devez déjà regarder les étiquettes. Et tout ce qui est à exclure, même sous sa forme bio, c'est tout ce qui est saucisse, pâté, filet pané, substitut de charcuterie grasse type saucisson, etc., les tartares végétaux, etc. Vous regardez les ingrédients de ça, c'est à faire peur. Et vous avez des versions bio de ça. Donc, faisons tous attention et soyons responsables et logiques dans notre consommation du quotidien. Il y a aussi cet aspect prix. Il est évidemment dans la... On a en tête que le prix évidemment est un peu plus élevé que d'autres produits. Chez certains magasins, certains étals, la différence de prix entre le produit normal et le bio est quand même considérable et on est aussi à la limite du foutage de gueule à ce niveau-là. Exactement. Donc faites attention aussi à tout ça. Ce qui est important, c'est, il me semble, d'avoir une alimentation consciente et raisonnable pour 80% des produits du quotidien, et on peut les acheter en supermarché et avoir quelques petites choses chez les producteurs pour avoir le meilleur de tous les mondes. Les producteurs pour les produits frais, donc fruits et légumes si on a envie, ou même pour une partie des fruits et légumes. Mais essayons juste d'aller un tout petit peu... Allons chercher nos fraises chez le producteur, quoi. Même si ce n'est que ça, c'est déjà un pas. Mmh. Et la viande. La viande est importante, la viande est vraiment problématique dans la consommation industrielle courante. Ça, si vous avez la chance d'avoir un producteur près de chez vous, si vous avez la chance de pouvoir avoir les sous en plus pour pouvoir acheter bio, ça vaut la peine. Maintenant, pour le reste, ça c'est 80% de notre alimentation. Pour les 20% de plus, ou même les 10% qui restent, ça vaut la peine de pousser la porte d'un magasin bio et de mettre quelques euros en plus pour certains produits, comme ceux dont on vous parle ce matin, pour moi, qui ne sont pas ultra, ultra chers, mais vous permettent d'avoir un grand format. Ici, j'ai le pot de crème de sésame noir devant moi. C'est un gros pot. Alors, c'est vrai que c'est 5 euros, mais vous allez aller longtemps. C'est à nouveau 5 euros, comme le wakame. Vous allez aller longtemps avec. Et ça vous permet d'avoir un vrai plus santé et vous le mangez cuillère par cuillère. Donc, c'est un truc dont vous profitez sur le long terme. Quand il y a un vrai plaisir, un vrai ajout de nutriments, un vrai ajout dans votre recette, que c'est un truc réfléchi, alors il faut mettre pour moi les euros en plus. Vraiment. Maintenant, tout bio, non. Bio pour bio, certainement pas. Voilà, donc il faut effectivement y réfléchir à deux fois avant d'acquérir le, le bien manger. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. C'est vraiment ça. Mmh. À un moment, on disait dans l'émission, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui reste d'actualité, on disait, même si ce n'est qu'une fois par mois, ça pourrait être une fois par semaine, mais une fois par semaine, c'est trop lourd à gérer pour notre quotidien à tous. Mmh. Mais une fois par mois, aller dans un magasin différent, chez un producteur, un magasin bio, même un magasin d'alimentation naturelle où vous avez quelques produits bio, mais pas que. Et éventuellement, même dans un supermarché, faire des rayons que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais ramener à la maison une fois par mois un produit que vous n'avez jamais cuisiné. Une fois par mois, juste une fois. Exemple, on parlait du quinoa tout à l'heure, vous n'avez jamais acheté du quinoa, vous restez sur riz, pâtes, à la limite semoule, etc. Orzo, donc pâtes grecques, vos trucs habituels parce que c'est facile, parce qu'on sait combien de temps ça cuit, parce qu'on ne se pose plus la question, parce qu'on a nos recettes qui vont avec, etc., etc. Mais non, une fois par mois, on se prend le paquet de quinoa, on n'a pas peur que ça reste dans l'armoire parce qu'on ne va pas l'utiliser. Vous prenez ce paquet et vous allez sur Google où vous nous posez la question et vous, voilà, de savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Tout est toujours inscrit sur l'emballage. Le quinoa, c'est 12 minutes de cuisson à l'eau bouillante, c'est comme des pâtes. Hein. C'est 3 minutes de cuisson en plus que des pâtes. Hein. Mmh. C'est pas plus compliqué. Hein. Et ça vous permet de changer et de découvrir d'autres choses. Et une fois que vous l'avez fait une fois, vous créez le précédent. Une cuisson, vous créez le précédent. Ça devient un automatisme. Et au bout d'un an, votre alimentation, vous avez 12 produits en plus qui vont vous changer complètement le quotidien. Et ça vous permet de renouveler complètement votre alimentation sur 12 produits. Donc c'est vraiment un truc à faire, une philosophie de vie à faire, je trouve, à faire évoluer. Eh bien, cette habitude-là, vous pouvez la prendre dès ce week-end et ce, à l'occasion de la semaine bio. Ça peut être un bel effet starter pour vous. On rappelle le site internet www.apacw.be. L'APACW, c'est le site de l'Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Tout au long de cette semaine, dans le 5 à 7, on vous a offert des paniers bio. Sachez que, on va clore dans cette émission cette thématique bio jusqu'à 10h30. Vous pouvez encore poser vos questions, bien sûr, via le SMS, le 30 63 30 63, 50 centimes d'euros l'envoi, et la page Facebook, évidemment. Dans un instant, du bio à boire avec du yerba maté, et puis du non bio mais tout aussi qualitatif, c'est le vin copain de Pascal Delfosse. La Franco-Odyssée vous emmène ce 11 juin découvrir le Languedoc Grandeur Nature avec notre ami Cody et la complicité de SNCB Europe. Ce samedi 15h sur Vivacité. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. Dis-moi Chuck, hein? Vous les Angry Birds, vous avez le droit d'être content? Non. Alors comment on va faire? Faire quoi? Quand je vous dirai qu'en ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options de la Citroën C3 à 5 portes avec son immense pare-brise Zénith. Oh, ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film, uniquement au cinéma. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui? Belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS. J'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris? Avec l'ADEPS, le sport, c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou au 02 413 25 00. Avec vivacité et l'avenir. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Ce soir je suis sur la lune. Allô la terre, est-ce que tu me reçois? Quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les miracles. suis le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Que mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh, oh, oh, en musique tout paraît plus beau. Je danse hiver comme été au rythme de mon cœur quand les battements s'emballent. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Décoller comme une fusée. Quoi de neuf, quoi de neuf. J'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh, oh, oh, en musique tout paraît plus beau. Oh, oh, oh, oh. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Ce qui arrive quand on écoute trop de David Guetta, monsieur Florent Motte, en discothèque, c'est quoi de neuf ? En cuisine, sur Vivacité. Pascal Delfosse est dans la place. Bonjour Pascal. Hello Pascalou. Bonjour Steve, bonjour Candice, bonjour aux heureux auditeurs de cette radio très bio ce matin. Je me trémoussais en écoutant Guetta, et je sais pas, je trouve que j'ai le poste qui sent un peu la rosée du matin, ou alors j'ai un peu trop poussé sur le crément. C'est l'un ou l'autre. Mais voilà, ou peut-être même un peu des ou deux. Ou les deux. Ce sont les vapeurs. Alors, c'est le crément d'Alsace brut rosé, celui qui est élaboré dans le Haut-Rhin en méthode traditionnelle, bien sûr, que j'ai testé. Je dirais qu'avec une météo qui, ces derniers jours, nous donne à la fois le pire et le meilleur, tout ça sur un fond estival, j'ai continué mon marathon test de rosé. Et une fois n'est pas coutume, celui-ci pétille. Tenté en fait par cette AOC, qui, on le rappelle, fut l'une des premières en France dans les années 70 à produire du crément. Ce brut rosé est vraiment paré d'une belle robe. C'est saumonné et ça me donne envie de le flairer. Alors c'est assez discret au premier nez. Et après quelques instants, les petits fruits rouges apparaissent, mais timidement. La bulle relativement fine persiste bien dans la flûte aussi. En bouche, ça, c'est désaltérant et de suite. Et c'est une qualité là qui est bien marquée. La suite, par contre, sera un peu plus modeste. Oui, bien sûr, il y a un peu de framboise en milieu de bouche. Oui, il y a une belle acidité taquine et qui rafraîchit. Mais vite, il y a un creux qui s'installe en rétro-olfaction. La finale n'a pas une grande longueur non plus. Ça laisse même une espèce de saveur végétale que je n'identifie d'ailleurs pas très bien. En résumé, ce que je peux dire sur ce crément d'Alsace brut rosé, vendu chez Lidl, eh bien, comme boisson désaltérante pour une journée ou juste avant l'orage, il fait une lourdeur à plomber un sommelier même le plus téméraire, eh bien à ce moment-là, allez-y. Mais si vous attendez, et elle est légitime cette attente, le plaisir d'un bon crément, là on risque peut-être d'être un peu déçu. Donc désaltérant avant tout, à vous de voir, c'est chez Lidl, à presque 9 euros la bouteille.

cuisine, 8h30, 10h30, sur Vivacité. Ajoutons à notre vocabulaire de la semaine le yerba maté. Oui, alors on a parlé wakame ce matin, on a parlé aussi sirop de coco, on va parler maintenant yerba maté. Alors la yerba maté, c'est au féminin, la yerba maté c'est une tisane. Le maté, tout le monde a peut-être déjà entendu, c'est une tisane qui est devenue fort à la mode ces derniers temps. Et ce qui est intéressant avec la yerba maté, c'est que vous avez tout le côté stimulant du maté, et donc vous avez en fait des effets similaires au café et au thé au niveau de la caféine, de la théine, sans en avoir les méfaits. C'est ça qu'on vient chercher dans du maté, c'est stimulant. Le yerba maté, le seul objectif de consommer du yerba maté, c'est que c'est un stimulant de l'organisme, un stimulant des défenses immunitaires. Donc en gros, vous avez un coup de froid, vous avez un rhume, vous vous sentez un peu faiblard pour le moment, vous avez envie d'un coup de boost, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre des vitamines synthétiques du commerce. Et ben en gros, la yerba maté, ici, est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Vous avez quelque chose qui est naturellement super stimulant. Alors il faut savoir que vous trouvez aussi ça parfois sous l'appellation thé du Paraguay. Donc si vous voyez thé du Paraguay, c'est de la yerba maté, n'hésitez pas à prendre ça. C'est une espèce sud-américaine. Vous avez des feuilles qui sont torréfiées, pulvérisées, qui sont infusées dans de l'eau chaude. Ça vous donne ce maté. C'est cultivé, comme le nom l'indique, au Paraguay, hein, thé du Paraguay. Vous en avez aussi en Argentine, vous en avez dans le sud du Brésil. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un arbre avec des feuilles persistantes qui poussent naturellement au bord des ruisseaux. Donc dans tout ce qui est forêt montagneuse, en altitude, à l'état naturel, vous avez un arbre qui peut atteindre 20 mètres de hauteur. En culture, ce qui est nécessaire pour faire du yerba maté, ici c'est du yerba maté bio, donc ça, pour les tisanes, faites gaffe, prenez du bio, ça reste de la feuille, de la simple feuille. Si une feuille est aspergée et qu'ensuite elle est séchée, concentrée en pesticides, et que vous la mettez dans de l'eau pour la réhydrater, en gros vous buvez des pesticides. C'est pas plus compliqué quand on a l'image, enfin, c'est vraiment un truc à éviter. Donc les thés, les tisanes, oh, bio, obligé, vraiment obligé, ça fait partie des quelques produits obligés. Donc vraiment ça, ce n'est même pas beaucoup plus cher. Alors ici, en gros, ça se consomme sous plusieurs formes. En gros, en Amérique du Sud, on mâche les feuilles directement. C'est super stimulant. Vous avez l'infusion ici qui est parfaite pour nous. Vous avez en fait des branches qui sont cueillies quand les fruits sont mûrs, donc dans cet arbre. Elles sont grillées sur un feu. Vous avez des petites boursouflures qui se forment. Les feuilles sont alors séparées. Elles sont étendues au-dessus d'un petit feu de bois pendant un jour ou deux. C'est ce qui donne ce goût fumé à cette yerba maté. Et ensuite, elles sont émiettées et elles sont mises sous forme de thé, sous forme de tisane, dans des sachets. C'est légèrement astringent. Vous avez une saveur de thé vert. Si vous êtes un fan de thé vert, c'est le thé qu'il vous faut, parce que vous allez avoir les bienfaits antioxydants du thé vert puissance 1000, et en même temps, vous allez avoir une saveur qui s'en rapproche tellement que vous n'allez pas faire la différence. Ça ressemble un peu, en un peu moins amer, au gunpowder de base, donc le thé vert chinois de base. C'est assez passe-partout. Vous pouvez l'agrémenter d'une rondelle de citron, vous pouvez ajouter des feuilles de menthe dedans, vous pouvez ajouter un zeste d'orange. Faites-vous plaisir pour le faire évoluer, pour que ça ressemble davantage à un thé aromatisé si vous êtes plus sucré. Rien ne vous empêche non plus de le sucrer un tout petit peu, hein, pourquoi pas. Mais donc ici, vous avez quelque chose qui a ce côté astringent un peu fumé. C'est assez intéressant. C'est un très bon thé aussi pour cuisiner. C'est-à-dire que vous faites un fond de sauce, donc vous avez un fond de volaille, par exemple, vous jetez 3 cuillères à café de cette yerba maté dedans, vous laissez infuser, vous laissez réduire sur le feu, vous enlevez les petites feuillettes, les petits morceaux de feuilles, vous laissez encore réduire, vous crémez, vous allongez avec un petit zeste de citron vert, éventuellement le jus d'un citron vert, et vous laissez encore réduire. Avant d'ajouter une demi-cuillerée de pâte de curry, vous avez un truc qui fonctionne sur des scampi, vous avez un truc qui fonctionne sur du poulet, vous avez un truc qui fonctionne sur des Saint-Jacques. Ça fonctionne même juste sur un riz avec une belle salade verte à côté pour faire un truc végétarien en semaine. Donc c'est très très polyvalent. Vous pouvez aussi en mettre dans vos pâtisseries. Tout ce qui est gâteau à base de thé, maintenant on a vu ça, on a vu un florilège de ça ces dernières années. La yerba maté fonctionne très bien pour ça. Donc dans tous les thés bio et dans tout le rayon thé qui est gigantesque du magasin bio, pour moi au jour d'aujourd'hui, cette yerba maté est la plus intéressante au niveau des nutriments. C'est un dopant. C'est vraiment... C'est de la drogue. C'est un dopant. C'est, ça vous donne vraiment un boost phénoménal. D'ailleurs, Steve est intenable depuis qu'il a bu son truc. Moi, je goûterais bien la version frappée de ce truc-là. Ah oui, ça y est. Ben voilà. Donc ça, c'est l'étape d'après. Ouais. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se dit « Ah, c'est santé, c'est bien, on se boit une petite tisane, on s'apaise, c'est fou. » Et puis en fait, on se rend compte que c'est tellement dopant, le truc, qu'on se dit « Oui, moi, je le fais avec des glaçons, je veux qu'on ajoute un truc dedans. » Il veut de la grenadine dedans, c'est ça ? Non mais je suis quand même en train de goûter un thé du Paraguay, quoi. Un thé du Paraguay. Super. Et trop cool. Non, un c'est thé très du bon. Paraguay. Enfin, c'est, il faut aimer effectivement les gammes de thé vert, etc. Dans cette nuance-là, oui. On est clairement pas dans du thé noir à la vanille Noël. Hein. Voilà. On le sait, c'est pas le principe, mais c'est pas les mêmes bienfaits non plus. Avec des glaçons, ça doit être pas mal. Eh bien, voilà, yerba maté semi-fermentée, bio. Bien, il y a d'autres choses à boire, notamment du lait d'épeautre. Il y a des chips de kale et d'acérola. Et il y aura le camu camu que je ne connaissais pas non plus. On verra ça après les infos. Info. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce samedi, Albanie, Suisse, Pays de Galles, Slovaquie et Angleterre, Russie. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 19h, en direct de Lens avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu blanc diable. Avec voyage-sncf.com, l'Office du tourisme de Lens et destination touristique autour du Louvre-Lens. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. C'est grave, docteur ? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi ? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Infos en magasin et sur faitonslefoot.be. Votre enfant découvre la lecture ? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud Presse. Vous écoutez Vivacité, il est 10h. On s'informe avec Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Steve, bonjour à tous. La France respire. Les Bleus ont gagné leur premier match à l'Euro. Une victoire 2-1 contre la Roumanie. Un match qui a donné le ton de cet Euro. Dans leur retraite bordelaise, les Diables ont suivi ce match. Les Diables qui entament en ce moment même leur entraînement du jour. Et Marc Wilmots n'est pas étonné. Si les Diables veulent voir grand, eh bien, ils devront y aller, comme on dit. Écoutez Marc Wilmots. Il faudra s'arracher 5 matchs, crois-moi. Le niveau du championnat d'Europe va être très élevé. Mais il n'y a plus de petites équipes pour moi. Ce sera des scores, il n'y aura pas des scores monstrueux. Parce que toutes les équipes sont bien organisées. Il y a peu d'équipes qui vont jeter et qui vont faire le jeu. Ce qui compte, c'est d'aller au bout et le plus loin possible. Interview donc de Thierry Luther. C'est la deuxième journée de l'Euro. Bien, elle commence aujourd'hui dès 15h avec l'autre match de la poule A, Albanie-Suisse. À 18h, place à la poule B avec le duel du Pays de Galles contre la Slovaquie. Et puis à 21h, ce sera Angleterre-Russie. Deux voitures de police en feu hier soir et cette nuit à Molenbeek. Des incendies qui sont vraisemblablement volontaires. Justine Hermans, que s'est-il passé ? Premier incendie hier soir, rue des Quatre Vents, là où la police a arrêté Salah Abdeslam il y a presque 3 mois. Hier, une patrouille arrive sur place pour un problème de voisinage. Les deux agents sortent de la voiture et discutent dehors. Dans leur dos, leur 4x4 prend feu. Un acte volontaire, d'après la bourgmestre de Molenbeek. Quelques heures plus tard, vers minuit, près de la gare de l'Ouest, une voiture banalisée de la division jeunesse s'enflamme, apparemment à cause d'un cocktail Molotov. Plus tard, dans la la nuit, un homme se présente aux urgences à l'hôpital. Il a de grosses brûlures aux mains. Ses explications ne sont pas très claires. Les opérateurs du service 100 font le lien et appellent la police. Il est interrogé et sera certainement mis à la disposition du parquet aujourd'hui. Les enquêteurs analysent les images de vidéosurveillance pour voir s'il y a un lien entre les deux incendies et d'éventuels complices. Merci pour ces précisions, Justine Hermans. 48e jour de grève des gardiens de prison aujourd'hui. Pour certains, ça devient long, trop long financièrement surtout. Et dans certains établissements, les agents ont voté pour la reprise du travail. C'est le cas à Nivelles, Dinan, Pèves et Leuze-en-Hainaut. Dans plusieurs prisons, par contre, ils font bloc. Pas question de mettre un terme à la grève. À Marchand-Famenne et à Ittre, les gardiens doivent encore se prononcer. À Jamioux, ils espèrent toujours une modification du protocole d'accord signé il y a 10 jours par les syndicats flamands et le syndicat libéral francophone. Des délégués syndicaux soumettront lundi une proposition au ministre de la Justice, Koen Gaetens, mais peu de chances que le ministre revienne sur sa décision. Le Premier ministre Charles Michel, lui, l'a répété cette semaine, les négociations sont terminées. Que vous soyez supporter des Diables, des Bleus, des Tchèques ou même des Islandais, fêtez les victoires sobrement si vous devez prendre la route. Les contrôles de police seront plus nombreux ce week-end. Je vous rappelle que juste après un match des Belges, on compte notamment 50% d'accidents en plus. Les policiers donc ce week-end seront nombreux le long des autoroutes ou des routes régionales ou communales. Michael Jauniau, directeur de la police de la route, au micro d'Adeline Boa. Il y aura des policiers partout, donc ces contrôles seront effectués tant sur le réseau autoroutier que le réseau régional ou communal. Ce sont plus de 250 policiers de la police fédérale de la route qui vont contrôler durant les 60 heures de ce week-end. Mais nous avons également plus de 85 zones de police qui vont aussi déployer du personnel pour cette opération. Alors on a assisté à 2-3 contrôles. La première question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez bu ? Est-ce que cette question est vraiment réaliste ? Est-ce que les conducteurs y répondent finalement franchement ? Oui, on voit quand même pas mal de conducteurs qui avouent avoir bu un, deux, voire plus de verres de vin. Maintenant, on la pose aussi parce que l'automobiliste a toujours l'occasion de demander à postposer d'un quart d'heure le contrôle alcool. Mais on doit constater en effet que l'automobiliste, en tout cas, signale avoir consommé des boissons. Mais non, est-ce qu'il donne la bonne quantité ? Ça, c'est autre chose. Et ce sont nos appareils qui le mesurent. 10h05 sur Vivacité, on retourne en cuisine avec Steve Delaunoy et Candice Cotter. Merci beaucoup Julie, le retour de l'info à 11h. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Samedi, de 8h30 à 10h30, en cuisine sur Vivacité. On explore quelques parcelles, seulement quelques parcelles du domaine infini qu'est le bio dans le cadre de l'action de la semaine bio partout à Bruxelles et en Wallonie sous l'égide de la PACW. Si vous souhaitez avoir des tas d'infos sur les filières bio, sur les labels, sur les acteurs de ce secteur, eh bien il y a un site internet, lapacw.be. On a déjà goûté du wakame, on a du yerba maté qui est un thé d'Amérique du Sud, le sirop de coco. Tout ça disponible en maison bio, évidemment, puisqu'on a parlé de marques assez disponibles, oui, et accessibles, voilà, quel que soit le type de magasin bio que vous fréquentez. Oui, très bonne question de Steve Orantaine. Il me disait, est-ce que tout ça a été acheté dans le même magasin bio ? Oui. Donc vous trouvez vraiment un éventail, un panel de produits très différents. Alors ici, on a du lait d'épeautre. J'ai pris la marque Lima, qui est la marque, en gros, vous avez un mur dans les magasins bio de lait végétaux de la marque Lima. Vous avez ici, la crème de sésame noir, c'est du Jean Hervé. Toutes les purées d'oléagineux, notamment, c'est du Jean Hervé. Donc, en gros, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous trouvez ça dans tous les magasins bio. Bisous, Jean. Je connais Jean. Le camou dont on va parler, c'est la marque Purasana. Vous avez à nouveau un mur avec tous les Purasana qui sont en fait des super aliments en poudre. Vous avez les baies de goji, vous en avez plein. Tous dans cette marque Purasana, donc vous ne pouvez pas vous tromper non plus, c'est hyper facile. Le yerba maté, j'ai pris une simple marque de base, Destination Premium, qui est la marque bio de base pour ce genre de thé. Vous trouvez ça dans la grande majorité. Et le wakame, quelle que soit la marque, vous pouvez acheter les yeux fermés. Donc en gros, on est cool. Allez, ben tiens, comme on était sur la marque Lima, qui est la capitale du Pérou, c'est du lait d'épeautre, tiens. Alors, en brique. Le lait d'épeautre, effectivement. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que des laits végétaux, il y en a mille. Et vous trouvez plein de chouettes trucs. Vous avez du lait de millet, vous avez du lait de châtaigne. On connaît évidemment le lait de soja, le lait de riz et le lait d'amande qui sont dans nos supermarchés. Mais ici, ce qui est intéressant avec le lait d'épeautre, c'est son goût. Vous avez, et c'est pour moi le plus intéressant pour cette raison, vous avez une onctuosité qui rappelle le lait de châtaigne. Donc vous avez un vrai gras en bouche comme un lait entier. C'est plus rare sur un lait végétal. Vous prenez un lait de soja, c'est un peu trop fluide. Ici, on a vraiment quelque chose qui est limite un peu crémeux. Et vous avez une vraie, vraie saveur, un vrai sucré naturel. Vous avez un vrai côté sucré gourmand en bouche. Ça fonctionne si bien sur les enfants et les grands-enfants. Vous avez ce goût de noisette comme ça. On est vraiment dans quelque chose de sympa. Et l'épeautre qui est utilisé est un épeautre complet. Donc en gros, vous avez vraiment des nutriments full, full, full. L'épeautre, c'est une céréale qui est proche du blé. Donc vous avez beaucoup de protéines. Toutes les céréales qui sont proches du blé contiennent beaucoup de protéines. C'est donc un lait très, très intéressant. Ici, dans la marque Lima, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc quand vous regardez les ingrédients dans un lait végétal, toujours faire attention. Faites en sorte que l'eau soit le premier ingrédient. Jamais le sucre. Ça peut arriver dans certaines marques. Toujours l'eau d'abord, puis la céréale. Jamais le sucre en deux. Jamais. Donc faites gaffe dans les supermarchés, c'est très souvent le cas. Donc de l'eau, la céréale, donc ici en l'occurrence épeautre, et il y a toujours un petit ajout d'huile. Ici, généralement, c'est de la tournesol. Prenez ça, hein. Tout ce qui est palme et coco, on évite. Donc tournesol ou colza, peu importe. Il faut que ce soit en troisième ingrédient. Et alors, généralement, il y a un peu de sel ajouté. Si vous pouvez éviter le sucre ajouté, c'est très bien. Donc ici, dans la marque Lima, vous avez eau, épeautre, huile de tournesol pressée à froid, sel marin. Punte. Et vous n'avez rien d'autre. Quatre ingrédients, vous avez un vrai produit santé. C'est intéressant pour les allergies, les intolérances. Et est-ce que ça ne plus-value pour la cuisine ? Pour ce lait-là, oui. Bon, il est intéressant à boire, à mettre dans les céréales le matin, mais est-ce qu'il est intéressant à cuire, à... Vous faites des gaufres avec, ou vous faites des crêpes avec... donc il y a des recettes de gaufres qui demandent du lait, vous faites des crêpes avec un lait d'épeautre, vous allez avoir des crêpes qui seront naturellement supra-moelleuses, comme un lait de vache ne vous donnera jamais. Même si un lait de vache peut vous donner des très belles crêpes bien moelleuses, là vous allez avoir vraiment quelque chose qui sera d'autant plus gourmand. Donc au niveau gourmand. Du goût du produit fini en cuisine, ça a vraiment sa plus-value. Ça va rester. Outre les oui. vertus santé de oui, du lait. Ça va rester et ce moelleux va rester. Donc vous avez vraiment le meilleur de tous les mondes. Vous pouvez faire de très belles petites sauces curry sur cette saveur de lait d'épeautre. Maintenant, tous ces laits végétaux existent aussi sous forme de crème. Vous avez de la crème d'épeautre, vous avez de la crème de soja, vous avez de la crème de riz. Donc toutes ces petites crèmes légères, végétales, fonctionnent aussi. Mais je préfère utiliser un lait qui est plus naturel qu'une crème, un lait, et la laisser réduire un petit peu plus longtemps, voire l'épaissir éventuellement avec un petit peu d'arrowroot ou éventuellement même un peu de maïs. Peu importe, si vous avez ça à la maison, c'est super pratique, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ça. Juste d'étendre un peu votre maïzena pour éviter les grumeaux dans un peu de lait d'épeautre et vous remettez ça dans la casserole et c'est bon. Et vous allez avoir quelque chose de vraiment très moelleux. Crémer une soupe, même une bête courgette qui goûte rien et qui a besoin d'avoir un vrai kick avec du lait d'épeautre, vous allez avoir quelque chose qui sera tout à fait différent. La meilleure soupe pour moi, c'est une soupe de laitue. Donc vous prenez de la laitue et vous la crémez au lait d'épeautre. Vous allez avoir cette saveur de noisette sur la laitue. Waouh, c'est magnifique. Quelques petites noisettes torréfiées, scrunchées avec un petit peu de chèvre en quenelle par-dessus, vous avez un repas et ça vous demande rien. Et c'est une utilisation du lait d'épeautre auquel on pense pas forcément. Quand on voit du lait végétal, on se dit dans mes céréales du matin quoi. Et c'est très bien. Et oui. Faisons-le tous parce que ça vous donne des nutriments qu'on n'a pas dans du lait de vache et on n'a pas le lactose là-dedans qui pose problème. C'est ça aussi qu'on vient chercher, c'est éviter le lactose dans les laits végétaux. Bon, on est en radio, mais on se regarde tous. On le fait tous. On est bien d'accord. Vous n'avez pas tapé sur votre poitrine avec votre poing. Dès lundi, on le fait tous. Big up. Le lait d'épeautre au petit-déj. J'ai envie de dire chin. On commence par un petit godet et puis on met la main et puis on met le bras. Hein. Je veux dire, le bio, c'est comme ça, quelque part. Non, mais c'est vrai. Si c'est 6 mètres. Mais vous, parce que vous avez l'image. Oui, j'ai. Et la radio a ce pouvoir-là. Parfois, hélas. il est 10h12. Encore d'autres produits avec le camou. Ça me fait bien faire rire, ça. Ah, Jean-Hervé et sa crème de sésame noir. Sacré Jean. Sacré Jean. Ou sacré Hervé. Bon, il aime qu'on l'appelle Jean. Et puis, si on a un peu de temps, les chips de kale et d'acérola et betterave. Matt Simons, le voici. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. If

Pour sa grande quinzaine de l'occasion, le Garage U vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garage U, à Chéné, au pied de la côte d'Ambourg, et à Herstal, au rond-point Coromeuse. 2 ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. Skoda U, le service en plus. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à conditions. Chez O'Green de jeudi à dimanche toute la journée et des promos exceptionnelles sur le mobilier de jardin. En cuisine avec Candice Cotter et Steve Delaunoy. Ah, vive le bio! Avec la semaine bio, merci la PACW de nous avoir donné l'opportunité d'évoquer ces produits inconnus sur l'antenne de Viva aujourd'hui dans En cuisine. C'est notamment le cas de la purée de sésame noir, parce qu'il y a du sésame blanc aussi. Voilà, exact. Donc la purée de sésame blanc, tout le monde connaît, c'est le tahini, qui, enfin non, pas tout le monde connaît. Non. Je vois Steve faire. Non, oui, tout à fait, non, effectivement. Moi, c'est je m'arrête. Oui, je vais t'arrêter aux graines de sésame sur les pains hamburgers. Ma faute. Hein, oui. Non, effectivement. Non. Mais non. J'ai l'attaque des boulettes géantes en tête avec la mer. Pardon. Donc en gros, ici, vous avez de la crème de sésame noir. La purée de sésame de base, le sésame blanc, qu'on appelle sésame blond aussi, c'est du tahini. Le tahini est utilisé dans la cuisine orientale, mais également la cuisine asiatique. La cuisine asiatique préfère la purée de sésame noir. La purée de sésame noir en Asie, notamment au Japon, parce que c'est de là que ça vient, est utilisée sous plein de formes. Vous la trouvez nature, vous la trouvez sucrée, vous la trouvez au miel, vous la trouvez comme base de crème dessert, vous la trouvez en garniture pour des pains, vous la trouvez... On en trouve absolument et elle est consommée sous toutes ses formes. Ici, elle était... quasiment introuvable. Sur Internet et encore via des sites lugubres. Enfin, vraiment, c'était... Non, mais vraiment. C'est tout à fait ça. C'était inexistant. Les arrières-salles de café. Ça aurait été moins grave. Des tripocoristes. Hein. Et donc, c'était inexistant. Et les clients de cette marque Jean Hervé, qui fait donc des purées d'oléagineux depuis un vachement grand bail, ont demandé que cette crème de sésame noir, que cette purée de sésame noir, soit commercialisée. C'est le cas. Produit coup de cœur de Steve. Je crois pas m'avancer trop. Non, mais pour celles et ceux qui aiment les saveurs cacahuètes comme ça, ben on est en plein là-dedans. Miam de miam. Ouais. Alors, la crème de sésame noir, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une variété de sésame différente. Hein. C'est pas du sésame blanc qui est non décortiqué ou un truc comme ça. Pas du tout. Hein. C'est donc une variété différente. Elle est toujours consommée non décortiquée, donc vous avez toute la coque et donc vous avez le nutriment dans sa version complète. C'est plus riche en minéraux que le sésame blond de base, donc le sésame noir est plus intéressant pour la santé. Vous avez du calcium, vous avez du cuivre, du fer, du magnésium, du phosphore, vous avez plein de vitamine E, dégénérescence, attention. Donc là vraiment vous avez un vrai bon truc. Pourquoi vous pour me éviter comme ça? Moi pas du tout. Moi je suis déjà vachement entamé. Loin de moi. Savez, c'est pas un pot de je ne me permettrai jamais, je ne le pense jamais même pas. Non vraiment. Des acides gras insaturés, etc., etc. Vous avez des acides aminés intéressants parce que c'est la seule chose que le corps ne produit pas lui-même. Et donc vous avez un goût qui est super super intéressant, cacahuète effectivement. C'est comme du beurre de cacahuète, non sucré. C'est Miam de chez Miam. Oh, dans un wok, c'est top ça. Sur du bœuf à la vietnamienne, dans des soupes, pour faire des stries, dans des pains, pour créer des belles marbrures, même des pâtes à gâteau, pourquoi pas. Comme c'est non sucré, non salé, vous en avez une utilisation multiple. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Dans des vinaigrettes allongées, pour faire des marinades de viande ou de poisson à l'asiatique, pour corser un peu le trait de certains petits flans, pourquoi pas. Dans des garnitures de raviolis, si vous avez envie de vous la jouer un peu pesto, vous pouvez ajouter une pointe d'ail là-dedans, allongée avec encore un petit peu d'huile d'olive, vous mettez ça dans des pâtes avec un petit peu de citron, un peu de persil plat, vous allongez, vous allez avoir, en plus comme c'est noir, ça vous fait des assiettes super design, c'est extrêmement beau. Ça fait un peu esprit tapenade comme ça. Voilà, exactement, c'est l'esprit tapenade. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est magnifiquement beau et bon. Maintenant, on parlait de purée de sésame noir, c'est de la crème ici. Pourquoi ils n'ont pas l'appellation purée? C'est parce qu'elle est coupée avec du sésame blond. Mais vous avez un pot complètement noir, hein. Mais vous avez quand même, cette marque Jean Hervé, quelque chose qui est coupé avec du sésame clair. Avec du miel sur une tartine au petit déjeuner, la joie est complète et le nutriment est complet. Donc ça, c'est vraiment le petit pot à avoir chez vous. Si vous êtes connaisseur de purée d'oléagineux, découvrez ça. Si vous ne connaissez pas les purées d'oléagineux, commencez par ça et par la purée d'amande blanche, qui est la plus polyvalente, que vous mettez dans des purées, dans des soupes, dans des béchamels, tout ce que vous voulez, sur une tartine. Ce sont les deux purées les plus intéressantes. La crème de sésame noire et la purée d'amande blanche. Et c'est chez Jean-Hervé que c'est l'on salue. Jean. Sacré hein. Jean. Il va devenir un habitué de l'émission, Jean-Hervé, je le sens. Ah, Orion Chips. Alors, Orion Chips. Il y a le camou avant. Oui, il y a le camou. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais plutôt parler du camou parce que les chips de kale, ben maintenant tout le monde connaît le kale qui est ce chou qui est à la mode. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mélangé ça avec des chips d'acérola qui est une baie qui fait partie des super aliments. Donc, c'est toujours le même principe. C'est une bonne chose. Ici, le camou. Donc, le camou, c'est une baie. C'est aussi un super aliment. Vous le trouvez sous forme de poudre. C'est cette fameuse marque Purasana dont je vous parlais. En gros, c'est un sachet plat avec de la poudre dedans. Vous en consommez 2-3 cuillères à café par jour. Pourquoi on achète ça? Parce que c'est super, super riche en vitamine C. C'est une concentration de vitamine C comme vous n'avez pas dans autre chose. Le super aliment, par la force des choses, c'est sa définition. C'est un aliment, quel qu'il soit, qui est surchargé dans une vitamine ou un minéraux bien particulier, mais dans une quantité tellement improbable qu'on ne peut pas le comparer à aucun autre ingrédient produit dans le monde. C'est pour ça qu'il y a cette liste de super aliments. Le camou camou en fait partie. Et donc c'est une baie, simplement, une baie... Qui est une baie rouge mauve comme ça, qui est un arbre qui pousse près des rives de l'Amazone, et vous avez cette vitamine C, des protéines et du zinc. Donc ça renforce et ça protège l'immunité, la résistance. Le camou, vous mettez ça dans vos yaourts, dans vos smoothies. Le goût que ça a, c'est très particulier, honnêtement. C'est citronné, légèrement acide. Donc ça va fonctionner super bien dans tout ce qui est petite vinaigrette que vous allongez au balsamique avec un petit peu de jus d'orange. Ça va fonctionner dans vos petites marinades pour des Saint-Jacques, des scampi du poisson. Ça va fonctionner donc dans vos smoothies comme je vous le disais. Ça va fonctionner dans une soupe carotte si vous aimez ça. Ça va fonctionner dans des verrines avec une petite crème légère. Que c'est dissipé en studio. Vous êtes là, vous grignotez tous. Il y a Thomas Lerides qui est arrivé qui veut des chips. Mais oui, c'est tout à fait dingue. Je ne veux pas mourir idiot quand même. Alors goûtez ce camou. Le camou. Faites voir. Allez-y. Ça peut remplacer le gingembre déshydraté, quoi. Aussi. Ah, c'est même pas comparable au niveau des nutriments. C'est 10 fois plus fort. Évidemment. C'est 100 fois plus fort. Donc ici, vous avez vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. 2-3 cuillères à café par jour, ça s'apparente à un complément alimentaire. On ne dépasse pas cette dose-là. Et dans cette marque-là, vous en avez plein d'autres. C'est tous des super aliments séchés. Ça sent fort. Hein. Ah, ça sent très fort, le camou camou. Et c'est très citronné. N'hésitez pas à prendre le dos d'une cuillère. Oui, voilà. Oui, bien sûr. On peut le faire avec le dos. Non, pas avec le doigt dans le paquet. Espèce de non-cuisinier. Oh là là, ça va. Bon, le camou camou. Oui, il a pris une vraie dose. Il a pris une vraie dose en poudre. Ah oui, on sent bien le goût citronné. Ça vous plaît? Le tip top est en grand danger. Oui, ça va. C'est spécial, hein, le camou. Mais honnêtement, c'est quelque chose à découvrir et qui vous permet d'avoir un vrai boost santé. Alors, ce matin, on vous a parlé wakame, on vous a parlé sirop de coco. J'ai vu une question très intéressante passer. On parlait du fait que ça goûtait le sirop de liège. Il y a René qui nous a demandé quel était l'indice glycémique du sirop de liège. L'indice glycémique du sirop de liège, c'est 60 et le sirop de coco, c'est 35. Donc on est du simple au double. Donc très intéressant le sirop de coco. La crème de sésame noire. Le lait d'épeautre, la yerba maté, qui est un thé vraiment très très intéressant. Et je vais vous mettre maintenant, je vous mets chaque fois des photos sur Facebook, que vous ayez l'info si vous avez envie d'acheter ça. Je vous mets le camou camou. Chez Purasana. Alors, l'avantage de tous les produits qu'on a évoqués dans cette émission, c'est un, ils sont pas très chers. Non. Et de deux, on va longtemps avec... Voilà, on va longtemps avec, c'est pas trop cher, c'est facile à ajouter à notre alimentation du quotidien. On peut en ajouter dans les recettes qu'on fait tous les jours sans trop les transformer, mais en leur ajoutant un vrai, vrai plus, santé notamment, mais gustatif sûrement, plus que sûrement. Et vous avez quelque chose qui vous permet de varier vos aliments et varier vos nutriments. Oui. Comment est-ce que vous les dosez, par exemple, le camou camou? Le camou, c'est 2-3 cuillères à café par jour, si on a envie de le prendre dans un esprit complément alimentaire, donc un vrai boost santé. Ouais. Maintenant, rien n'empêche de jeter 2-3 cuillères dans son yaourt le matin, de temps en temps, dans son muesli, dans éventuellement sa souplette. Ici, le yerba maté, c'est du thé, c'est au moins une par jour pour bien faire, une tisane par jour. Le lait d'épeautre, c'est un truc que vous pouvez ajouter partout. Le sirop de coco, ce qui est intéressant, ça reste du sucre, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de limiter le pic de sucre, donc ça c'est comme tout sucre à minimiser, mais vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ça. Et le wakame, qui sont les algues que vous avez devant vous, ça c'est un tel boost en protéines, on pourrait en manger tous les jours et pour bien faire il faudrait, mais on peut pas, mais de temps en temps, je dirais une fois par semaine, si vous faites un plat végétarien et que vous ajoutez ça dedans, vous avez un vrai plus.

tous les rythmes dans le Tip Top. Niash au featuring d'Olivia O'Brien dans le Tip Top Monde. Ce sera tout à l'heure à 11h30. Dans le buzz, on passera bien sûr en revue l'hymne de l'Euro 2016 qui a démarré hier, emmené par David Guetta et Zara Larsson. This one's for you, l'hymne de l'Euro 2016 dans le Tip Top Buzz. Les détails, ce sera tout à l'heure à midi moins 5. Et puis dans les news de 12h30, j'aurai encore pour vous les nouveaux titres de Maître Gims, de Major Lazer et Alan Walker. Sinon, du côté du classement, la semaine dernière, c'était encore Coldplay qui arrivait premier. Coldplay au featuring de Beyoncé, première place samedi dernier encore. Et puis un mot sur les sorties avant de démarrer le classement. Je vous signale tout d'abord celle de Vianney. Après 16 semaines, le chanteur Vianney quitte le Tip Top avec le single On est bien comme ça.